laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Ça te fait plaisir quand il dit Muggy, parce que ça te fait plaisir, il te le refera. Il y aura Amir. Lui, il vient demain. Non, jeudi, ça va, on tire pas jeudi. Et demain, c'est Kungs. Et alors, les événements, ça a beaucoup parlé. Hein. Ça y est, dans les jours qui viennent, on aura plein de restats de Martin Garrix qui va passer, à Alan Walker qui va venir nous faire un petit bonjour ici en live. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il paraît que la jeune fille est jolie, non? Oui. Ah, c'est bien, on va pouvoir chiner. Donc, il y aura Lady Gaga qui va venir nous voir ici dans le studio. Pokéface Pitbull va être de retour. Il y aura Robbie Williams qui va venir nous dire bonjour. Calme-toi. Mais que je ne suis pas persuadé que ce soit uniquement pour vous deux, mais calmez-vous quand même. Et MHD va venir nous faire un petit bisou aussi dans la foulée. J'espère que tout le monde. On n'entend pas le morceau, il est rentré tout mou, il est tout faible. Ouais, c'est vrai. Qui a fait les niveaux? Qui a rentré les morceaux? C'est Julien. Tu vois bien que c'est tout faible. Mais c'est le morceau. Mais c'est le morceau de dans ta gueule. Qui est faible. Ouais. Bon, tout le monde va bien au standard. Ça va, mon Mika? Ça va, Stouf? Ça va. Vous êtes en. Oh, ils répondent en même temps. C'est trop mignon. Un beau petit couple. Julie, Piette, Liguette. Tout le monde est en forme? Oui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Loris aussi va bien? Oui. Bon, ce soir, nous allons encore vous donner la possibilité de gagner. Je vous rappelle que vous pouvez choisir le cadeau que vous voulez, les cadeaux que vous voulez, dans la box All Inclusive de Société Générale. En gros, vous allez sur Internet, vous allez à boxallinclusive.com et vous savez, c'est comme si c'était Noël avant l'heure. Vous cliquez sur ce que vous voulez. Et j'ai vu qu'il y a des box à 16 000 euros. Je peux finir? C'est jusqu'à maximum. Vous cliquez. Ouais, tu sais, les mecs vont penser qu'à un truc. Je prends 16 000 direct. Ouais, c'est ça. Et vous cliquez, on tire au sort et ce qu'on fera, c'est que demain, on fera la remise du cadeau, on fera une forme de toc toc toc, mais cette fois-ci, on enverra Mika quelque part en France chez un gagnant qui lui offrira en live ses cadeaux. C'est ça. C'est beau, non? Ouais. Et en plus, si je peux me permettre, il y a un code spécial énergie. Si vous mettez le code Less Dance, donc en anglais, Less Dance, vous avez un an de soirée en plus de votre box. Donc il y a un an de soirée payé. Qui qui est le mec super jeune qui a créé ce mot Let's Dance. Oui, je ne sais pas. Ça, on dirait un banquier de la Société Générale qui s'est levé et qui a dit les jeunes disent Let's Dance. Et si on mettait Let's Dance. Savoir, j'hésitais avec ça et ça va groover. Ah. Ça balance pas mal ici. Donc, en plus de tout ce que vous pouvez mettre dans vos box, et ben, si vous mettez ce code-là, vous avez un an de soirée gratuite. Surprise partie. C'est génial. De boum. C'est top. Non, mais faudra dire au mec qui a créé ça que Let's Dance, on a fait un peu plus. C'est revenu avec David Bowie quand il est mort, là. C'est revenu à la mode. Ouais. On va dire ça. Il n'y a pas un dans le public qui dit le mot Let's Dance, hein, ouais, je crois, quelque part. Bon, sinon, tout à l'heure, on aura le check tombe à U. Ah, une affaire terrible. Ah, et ça, ça va vous parler pour ceux qui sont encore au lycée ou au collège. C'est une affaire, on en a parlé dans la presse, on a retrouvé des asticots dans la bouffe à la cantine. Ouais. Oh, ça va, ça arrive. Ça fait des protéines. Ça arrive, c'est bon, c'est de la viande. Oui. Donc on s'en occupera tout à l'heure, on passera un petit coup de fil. Qu'est-ce qu'on aura encore? On aura du tribunal populaire. Parce que quelqu'un de l'équipe va morfler, oui. Ah bah oui, forcément. On aura de la question pour un yeuve. Vous savez, c'est les jeunes, les vieux qui doivent comprendre les expressions de jeunes. J'adore. Ça, c'est bien. On aura du super jeu. On aura donc tout à l'heure Maître Gims qui sera notre invité. On va jouer avec vos peurs. Et avec les peurs des gens de l'équipe pour vous inviter avec nous pendant l'émission qu'on fera au Parc Astérix. Ouais. Je ne sais plus du tout quand c'est. C'est le 19 octobre. Eh bien, vous allez être avec nous, vous aurez deux jours, vous aurez la nuit, vous aurez l'hébergement, vous aurez la totale, vous aurez tout. Qui on a dans le public? Je dirai un petit bonjour. Les prénoms, allez, on y va, mademoiselle. Je suis à carreau, bim, parti. Morgane. Ça va, Morgane? Oui, toi. Tu viens d'où? De Bretagne. Salut, mademoiselle. De Bretagne? Oui. De où exactement en Bretagne? À côté de Rennes. D'accord. Et bien, qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu voir Justin. Bieber? Oui, il est à Paris là. Ah, c'est con, on va t'amener Maître Gims, pas pareil physiquement. Ah oui, mais c'est vrai que c'est concert et tout, tu dois aller. Tu l'as suivi? T'es allé un peu devant sa chambre d'hôtel et tout ou pas pour passer? Non. Non, t'es fan, mais toi, de limite. Bon, eh ben il est là ce soir, c'est un cadeau. Ouais. Derrière toi, ma chérie. Toi, t'as sorti de base, on sait jamais qu'il est là. À côté, le prénom? Laura. Ça va, Laura? Très bien. Bienvenue chez nous, Laura. À côté, c'est qui? C'est Morgane. Ça va, Morgane? Ah, il n'y a pas que des Morgane, d'accord. À côté, nous avons. Safia. Tu vas sourire, Safia? Ouais. Ou t'as un truc, t'as une punaise dans le cul qui te fait mal depuis tout à l'heure. Safia fait une gueule en mode premier rang, genre quoi? Ils sont pas confortables nos fauteuils. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas confortable. Si, si, c'est confortable. Bah, tu veux un coussin? Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Bah rien. Non, si. Non, si, mais si. Tendu. Une fille qui remue l'épaule en faisant bah rien. Si, c'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a non, un truc. Non, il se passe rien. Il y a quelque chose. Ton mec là à côté là? Ton mec avec les lunettes? Non? D'accord. Bon, s'il y a un truc, tu me le dis. Hein. J'ai juste à dire qu'on vient de la BJD Family. Ouais. Et vous êtes venu voir Justin Bieber. Non, on est venu voir. Il n'est pas là encore. Mais on est venu voir Maître Gims. D'accord. Ok, c'est génial. Ma chérie. Ok. Mais c'est pas une raison pour faire la gueule. À côté, le prénom? Estelle. Ça va? On dirait Alicia Keys au niveau de la coiffure. Ah ouais? Bah ouais. Ah, c'est vrai. Bah, plus que Justin Bieber, un peu, quand même. À côté, le garçon? Je m'appelle Bilali. Bon, alors là, on a les sosies, donc des mecs. Ouais. Alors, ils ne sont pas non-voyants, les mecs de droite. Hein. Je tiens à le dire pour ceux qui verraient les images. Là, on est dans la... là, on approche du fan club de Gims. Mais attention, plus on va vers la droite, plus on va vers les sosies ouais, de Gims. Ça, ouais. Ouais, c'est ça. Attention, à côté, le prénom. C'est plus ressemblant. Chris NKS. Ça va? Très bien. Et alors, à côté, bon, bah là on y est. Là, on y est. Eh. Je suis Emerson. Tu sais quoi, mon pote? Je pense que Gims, il donne sa bagnole à un voiturier. Tu repasses derrière, tu reprends les clés, le mec, il te la donne. Ouais, mais t'inquiète pas, j'ai une belle voiture. Et vous êtes déjà vu ou pas? Une fois, mais c'était vite fait. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Bon, bah, bienvenue tout le monde. Il sera notre invité tout à l'heure. Et puis, tout le monde utilise les filtres Snapchat. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, mais Desigual ont décidé donc de copier les filtres Snapchat pour son défilé Desigual, les fringues Desigual. Ouais. Ils ont mis, vous savez, le masque avec le truc que vous avez, le filtre avec la tête de chien, oui, museau. Et ben, ils ont mis ça et toutes les mannequins ont défilé avec ça sur la tête c'est tout drôle. Machin. Non. C'est mignon. Et les couronnes de fleurs et tout. Ouais, y a tous les filtres. Moi, j'aurais été le directeur artistique de Desigual. C'est pas la tête des mannequins que j'aurais filtré, mais leur fringue de merde. Parce que il y a un moment donné, excusez-moi. J'exagère. Ah, je suis dégueulasse, les fringues Desigual. Il y a des trucs pas mal. Ah ouais, mais enfin. Un porte-monnaie. Personne, j'ai l'impression que c'est personne s'habille là-dedans. C'est comme quand il y avait les fringues Odigier. T'avais des boutiques, t'avais personne qui les portait. Montez le son, on est sur Énergie, tout va bien. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune in your face. Wanna take a spin? Vous allez kiffer les émissions dans les jours qui viennent. Alvaro Soler sera de retour. Si on est là, c'est la cuenta por favor. J'ai jamais compris ce qu'il chantait, mais ça me fait marrer. Il y aura donc Alvaro Soler et le même jour, on aura Gad Elmaleh et Kev Adams qui seront nos invités. Et on va se passer une bonne émission. Mais j'ai quand même une mauvaise nouvelle là-dedans. On a beau faire yipé yo, yipé yo. Qu'est-ce qui se passe? La Russie interdit encore le porno. Oh. Ah, j'ai vu faire passer ça. Ça y est. Le drame absolu, c'est ça. Porn, ouais. Porn, YouPorn et PornHub sont bloqués. Mais non. Ah, puis c'est pas les plus petits sites. Hein. Ouais. Putain, ils veulent relancer la croissance en fait démographique, donc ils veulent refaire des bébés. En gros, ils disent, excusez-moi d'être vulgaire, arrêtez de vous branler devant les sites et faites des enfants. Ouais. Voilà. Et donc visiblement, comme personne n'écoutait, ils ont coupé les accès aux sites porno. Ce serait pour inciter les gens à rencontrer les autres et copuler en vrai ensemble, pour donner des naissances. Ouais. Bon, je suis pas sûr c'est que. Pas bête. Et puis il y en a d'autres des sites. Enfin, je veux dire, il y a pas que ces deux-là. Hein. Ouais. Non mais en théorie, donc ça veut dire que les mecs, ils sont devant leur site porno plutôt que d'aller rencontrer des filles. Ouais, tu pars. On parle quand même d'un pays. Ou la russe, quand même, globalement, elle est jolie. Ah, elle voit du lourd. L'ukrainienne, elle voit du lourd. Elle fait 1m80. Elle est... Hein oui, oui, et les mecs, ils ont des bombasses à côté. Et ils disent non, excuse-moi, je préfère. D'un autre côté, les vraies belles, elles sont souvent en France aussi. Et à Monaco. Parce qu'à l'inverse, les Anglais, tu leur coupes Internet et tu les obliges à aller draguer de la bonne femme, crois-moi qu'ils dépriment. Parce que là, les mecs disent non, je préfère branler un peu, je peux ou pas. Parce que, non, elle est moche quand même. Elle est moche. Oui, mais va copuler. Ah non, elle est trop moche. On fait un bisou à Audrey. Audrey. Bonsoir Audrey, bonsoir à toutes. Non, bonsoir Audrey. Bonsoir Audrey. Ah, non, Audrey, c'est moi. J'ai oublié mon prénom. Audrey, alors on reprend les basiques. Moi, c'est Coco. Toi, c'est Audrey. Oui, bonsoir Chloé. Bonsoir Audrey, comment ça va? Ça va très bien. Bon, ça va bien moi aussi. Je m'appelle Audrey. Je t'adore, toi et toute l'équipe. J'ai 23 ans. Je me demande si je vais pas me lasser du nouveau mec. Beaucoup trop gentil avec qui je suis depuis 3 mois. Oh. Il me paye tout, m'achète tout ce que j'ai envie. En gros, c'est un vrai pigeon. Voilà, oh c'est génial. Ah, non. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est fantastique. Il y a des nanas qui sont là, elles se disent bon mec, c'est un salaud, jamais il pense à m'offrir un bouquet de fleurs ou machin. J'avoue. Et elle dit non, m'offre tout, il est nul. Ça me rend dingue. Non, mais c'est pas la première à dire ça. Mais pourquoi tu te plains s'il te fait tout le temps des cadeaux et tout? C'est génial. Tu sens la meuf qui a un cadeau ou pas? Non, mais du tu coup, sens c'est comme Julie, elle aimerait bien verser avec toi. Ouais. Ton mec t'offre rien, toi. Même à la Saint-Valentin. Toujours pas. Rarement, ouais. Là, ça. Toujours ouais. pas. Ouais, non. Elle a eu une quiche Lorraine à Noël. Non, mais c'est ouf. Il aurait pu dire bon, tiens, ouais, je vais offrir des cadeaux, j'ai peut-être pas été bon jusque-là. Toujours pas. Non, pas de cadeaux, non, pas pour l'instant. Bah, y a pas d'occasion pour le coup. Bah, y a pas besoin de ça pour une occasion. C'est une occasion, justement. Si, on a fêté nos 6 ans de mariage. Ah, resto, t'as eu quoi? Resto, hey, c'est une pince, ton mec. Mais non. Mais ouais, c'est un d'accueil aussi. Hey, parce que toi, je savais que t'étais une pince pour inviter l'équipe, mais ton mec, c'est un homard, quoi. Vous deux, sans déconner. Non, resto. Un roumain pour vous gratter une pièce, il peut retourner où il veut, au pays. C'était, trop bien, un resto sur une île, mais on a pris le bateau et tout, tu vois. Sur une île où? Dans le sud. Ah, génial. Oui. Ah, bah, si, c'est bien. C'est super. Ça va, on a fait du bateau et tout. Mais enfin, c'était un caillou à 5 mètres de la plage et c'était un pique-nique. Bah, moi, j'avais rien. Aujourd'hui, j'ai ça, c'est déjà bien. Bon, si tu te contentes de ça, ouais, la preuve, quand tu leur donnes tout, elles se plaignent. Bah ouais. Mais oui, bah enfin, ça c'est le côté, ça va jamais. Il t'offre quoi, toi? Allô. Attends, allô, bouge pas. Audrey. Moi c'est Coé, toi c'est Audrey. Audrey, cette question était pour toi. Il t'offre quoi? Bah tout ce que je veux. Mais quoi, tout ce que tu veux? Je vais dire, c'est sont mignonnes ces chaussures dans un catalogue, il va aller me les acheter. Oh, c'est que les meufs rêvent d'être à ta place. Mais oui. Ouais, mais comme quoi, la preuve, quand tu leur offres tout, au bout d'un moment, elles en ont marre. Et elles veulent. Elles ont besoin d'un connard, excusez-moi. Elles aiment bien. Elle a besoin d'un connard qui dise toi, tu vas bosser pour te l'acheter, t'es pas en pocket. Non, mais en fait, il leur faut, c'est un juste milieu qui n'existe pas. Ouais, si, voilà. Il doit exister, mais Julie le cherche toujours. Ouais, mais t'es pas la seule, je crois. Hein. Ouais, non. Mais si, le juste milieu, c'est un mec qui, une fois de temps en temps, vous fait des cadeaux sans que vous y attendiez. Ah, si, je suis mauvaise langue. Pourquoi? J'ai fait tomber mon parfum, il s'est cassé, il me l'a racheté 3 jours après. Ah, c'est normal, c'est ça où tu pues. À un moment, le mec, il a pensé à lui et à son nez. Hein, celui-là, il a pas pensé à toi. Et... Ah, si, puis il l'a racheté à Barbès. Non, mais non. Il a pris le testeur. Tiens, du scorpion. Cher, tu vas être bien avec du Scorpio ou du Kouros, qu'est-ce que tu préfères? Non mais Audrey, je te plains pas là. Toutes les filles qui sont dans le public, je vois leur tête, elles rêveraient de tu feuillettes un catalogue, tu dis ça me plaît, il faut, ouais d'accord, je prends. Oui, mais t'as essayé avec c'était des... bien au début. T'as essayé avec des trucs là, plus gros, plus chers. Une Ferrari, une voiture. Plus cher, genre une montre. Non, parce que déjà j'ai l'impression d'abuser de lui. Je lui demande pas directement. Mais parce qu'il voit que ça me plaît, bah, il achète. Bah, c'est un mec qui a pas confiance en lui. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre à part les chaussures? Mais tout. Enfin, le soir, tout le monde, je pense, a pas forcément envie de faire à manger. Ben, souvent, il me dit, bah viens, on va manger au resto, ou on va se faire livrer. Ben, c'est pas grand-chose. Mais je veux dire, quand c'est tous les soirs, quasiment. Oh, ben, tous les soirs, il fait livrer à la maison. J'en peux plus, je veux bouffer de la merde. Ouais, j'ai envie de manger un œuf dur dégueulasse. Mais c'est à peu près le même symptôme que toi, quand tu étais premier à le dire, avec une meuf qui dit oui à tout, qui dit, tu vois, c'est chiant. Non, c'est pas pareil, une meuf qui a pas d'avis, et quand tu dis, moi, ce que je déteste, c'est la nana qui dit comme toi. Ça m'insupporte. Ouais, mais c'est le même symptôme. J'ai envie de manger, qu'est-ce que tu veux qu'on mange? Comme toi. Ouais, peut-être chinois. Ouais. Ouais, je vais peut-être prendre un coca, comme toi. Les mecs qui font ça aussi, c'est insupportable. On sort ce soir, on va où? Je sais pas. Comme toi. Ouais. Oh, c'est insupportable. Comme toi, tu deviens fou. Ouais, mais c'est le même principe. Mais non, c'est pas le même principe. Le mec, il dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je te le prends. Allez, au chinois. Oui, mais ce qu'elle attend, c'est que son mec lui fasse à manger. Tu vois, qu'il la surprenne. Au lieu de faire que ce soit si c'est pas faire à bouffer, moi je sais pas bien faire à manger, ça me saoulerait de me faire la cuisine. Moi en plus, pour faire un truc, je salis 4 assiettes. Ça lui ferait peut-être plus plaisir qu'il y mette du cœur et qu'il prépare un plat par amour que de commander facilement. Et j'imagine qu'à côté de ça, il est très doux, il est très attentionné, enfin c'est dans tous les domaines, on est d'accord. Ouais. Et lui met une claque sur le cul, il achète la pommade directement sur internet pour mettre juste ensuite. Et t'aimerais bien de temps en temps qu'il te tire les cheveux? Non, pas à ce point-là, non. Il appelle le coiffeur qui tire les cheveux. Il est généreux. J'ai une petite fille et ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Il y tient comme si c'était la sienne. Alors de quoi tu te plains? Ah mais c'est relou. Justement, j'ai l'impression d'en profiter. J'ai l'impression d'être une gratteuse. Mais tu sais ce que tu sais le nombre de mecs qui ont envie d'être avec une nana puis quand ils apprennent qu'elle a une fille, ils disent oh là là, et moi tes enfants, je veux pas les voir. Je suis désolé. Tous les mecs qui sont comme ça, au bout de 2 mois, 3 mois, les meufs elles en peuvent plus. J'ai un copain qui est comme ça, il arrive pas à garder une gonzesse. Oui, mais on veut pas un connard non plus. Non, oui, mais c'est pour ça. Juste toi, tu n'as pas de cadeau et tu restes, alors c'est bien aussi. Mais parce qu'il n'y a pas que ça qui compte. Ah. Je suis pas matérialiste. Il y a quoi d'autre? Ah bon? Bah, il y a le reste. C'est quoi le reste? Bah, c'est l'amour, le sexe, tout ça. Il y a de sexe? Ouais. Nouveau? Ouais. D'accord. C'est génial! Ouais! T'as trouvé! Le vieux! Vous l'avez entendu là, ouais? C'est-à-dire que vous savez que la NASA est en train de régler les détecteurs de mensonges sur Julie. Ouais. C'est la voix qui flanche, t'as rien volé, hein? Non! Tu devrais passer dans les trucs sur W9 le soir. C'est toi qui as volé le scooter? Non! C'est incroyable! Mais bon, oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les cadeaux, oui, bien sûr. Il y a d'autres choses qui comptent. Mais il veut prendre soin d'elle en général et elle, ça la soucie. Mais tu lui as déjà dit, dis-lui au moins, dis-lui, t'es trop. Ce que tu fais, tout ça, c'est trop. Il y a un moment, ça va me lasser, quoi. Je lui ai dit ça comme ça, mais je lui ai dit, fallait pas, j'en ai vraiment pas besoin. Enfin, des chaussures, j'en ai à la tête. Moi, j'ai pas besoin de. Ma chérie, je te jure un truc. Je te jure. Te plains pas. Kiffe, profite, et comme on dit, prends ce qu'il y a à prendre. Si en plus, tu ne les demandes pas, c'est lui qui te les offre, prends ce qu'il y a à prendre. Voilà, et une fois que tu auras rempli ton dressing, tu le largues. Mais la vraie question à poser, c'est est-ce que. À la dernière paire de chaussures dans le dressing, t'as plus de place, au revoir. Désolé. Oui, Julie. Mais la vraie question à poser, c'est est-ce qu'elle est amoureuse? Bah, mais oui! Est-ce que t'es amoureuse? Ça fait que 3 mois, donc je l'apprécie énormément. Donc reste pas avec un c'est horrible. C'est horrible. Je l'apprécie énormément, il est horrible. Ah ouais, non. Oh, non, je tiens à lui, mais de la c'est encore pire ce que je voudrais. Mais du coup, tu t'attaches pas, c'est un message pour les mecs, ne gâtez pas trop vos copines. Pas trop tout de suite. Elles ne s'attachent pas, du coup. Et puis, vous les apprenez à un mauvais réflexe. Ah oui. Puis après, elles deviennent votre femme, puis après, vous coûte très cher, et à la sortie, ça coûte une fortune. Voilà. Bon, je te fais un gros bisou, ma petite Audrey. Mais kiffe quand même, profite. D'accord, ouais, bisous à la petite. Un gros bisou. A bientôt, ma chérie. 0870 42 48, passez-nous un coup de fil. Voici Claudio. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, prennent le temps, ne font que courir. Merci. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Comme tous les matins, je marchais la tête un peu dans le sac, les yeux rivés sur mon portable. Ce matin-là, j'ai pas fait gaffe en traversant le boulevard. Et je me suis fait faucher par une voiture. Aujourd'hui, mon seul trajet, c'est entre mon lit et ma salle de bain. Mon frère veut tout arrêter pour s'occuper de moi. Mais cet accident, c'est le mien. Je le laisserai pas foutre sa vie en l'air. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Terrible. Alors tout à l'heure, il y aura Maître Gims qui sera notre invité. On finira l'émission avec lui, on fera une heure. Demain, vous allez kiffer le retour de Kungs. Mais avant, j'ai une info qui est terrible. Ce sont des scientifiques qui ont écrit un bouquin qui s'appelle, je le dis hein, pour nos amis du CSA, ce que je veux dire est une info scientifique. Vas-y. Les scores records du corps. Et les mecs se sont amusés à prendre que des nombres, des records, ouais. Des chiffres sur le nombre de bactéries, le nombre de poils, le nombre de machins, etc. Mm-hmm. Là, je vais m'adresser... Et aux filles du public, puisqu'ils ont, écoutez-moi bien, ils ont dit en moyenne, ils ont fait un calcul scientifique, combien une femme récolterait, c'est écrit comme ça dans le livre, de litres de sperme dans sa vie. Oh. C'est dégoûtant. En faisant l'amour avec son chéri, c'est ça que ça veut dire. Oh. Emmène-moi la demoiselle là que j'aime moi bien. Moi qui bien, c'est scientifique. Non, à côté, pas Morgane. Voilà, mademoiselle, j'attends un chiffre. C'est scientifique, hein, là, c'est un truc qui a été fait par des médecins. Hein. Vous pouvez répéter le nombre de litres de. C'est horrible, Coco. Même scientifique, c'est si tôt, surtout. Là. C'est tôt, c'est scientifique. Je lis le bouquin. Le bouquin, ils le vendent pas dans les librairies, passé 22 heures. Hein, ils le vendent partout. Hein. 10. Elle se marre en disant 10, tu sais. Ça me paraît beaucoup et en même temps, je sais pas trop. T'étais pas loin. Ah ouais ? 13 litres. Oh là là. 13 litres, si vous ne voyez pas ce que c'est un gros arrosoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Heureusement que c'est pas en une fois. Non, c'est en une vie. Oh. Oh là là. Et ça, c'est pour les gens qui ont une sexualité normale. Ceux qui vont au club échangiste, c'est une piscine olympique. Mais ça, c'est vraiment pour la femme normale. C'est 13 énorme, litres. 13 litres. Ah bah, ce serait 13 litres d'un coup. Serait... Oui. Oh. Ah oui, ce serait terrible. Ah, oui, tribunal populaire, mais... attention. Mets-moi le bam bam bam. J'appelle pour le Nil tribunal populaire Mathieu. Mathieu, où es-tu ? Mathieu, peux-tu venir t'installer ici, s'il te plaît ? Technicien. Mathieu, c'est lui qui réalise les, tous les artistes que vous entendez chanter. C'est grâce à Mathieu. C'est lui qui réalise, qui fait le micro, le son, qui met une petite réverbe dès que les mecs font jamais. T'entends jamais. Ça, d'un côté, c'est lui aussi qui gueule quand on casse les micros. Voilà, aussi, quand tu casses les micros. D'ailleurs, il n'y a plus que lui. Les autres, ils sont partis, on ne les voit plus. Et Fred, il fait le matin. Mais ben, voilà. D'accord. Bon, je voudrais te remercier déjà parce que tu m'as bien filé un coup de main quand j'ai réalisé l'émission jusque-là. Parce que maintenant, c'est mon nouveau truc, je réalise l'émission. Oui. Aujourd'hui, on a un jour un réa. Oui. Les épisodes continuent, la saga, saison 2. Ouais. On a un nouveau réa aujourd'hui. Qui vient d'arriver, comment tu t'appelles ? Bonsoir, moi c'est Maxime. Ça va Maxime ? Ça va très bien. Quel âge tu viens d'où Maxime ? 20 ans, je viens de Bordeaux. Pas mal Maxime jusque-là. Ouais. Ça va, ça Maxime, pas mal. Pour l'instant, je dois dire que. Et il arrive de Bordeaux tout fraîchement. Ouais. C'est vrai ? Je suis arrivé hier soir. On l'a vu. Mais tu viens pour nous exprès ou tu passais dans le coin et on t'a dit tu viens là toi ? On m'a appelé, je me suis dit je viens de Paris. D'accord. Ah bien, ah bien. Okay. Il est motivé Maxime. Ah, tu changes cette voix mais. Mais c'est on pas va mal. Te mettre un autotune. Ouais. On va te mettre le truc de Joule. Si tu veux, ça va aller. Non, c'est vrai. Non, t'as une voix chelou un peu. Ouais, on me le dit souvent. Ouais, ouais. Mais j'aime bien, c'est atypique. Ouais, c'est atypique. C'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Tu fais pas de la... t'es pas animateur, t'es non, technicien. Non, non, je suis technicien. C'est bien. Je touche les boutons, c'est tout. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mathieu, on n'a pas Mathieu, le sujet est toujours sur toi. Oui, c'était pour me féliciter, c'est ça. Mathieu, oui. Tu accuses. D'abord, moi, je te félicite et je te remercie. Mais tu es accusé de faute grave. Lorsque je réalisais l'émission derrière la console en gérant tous les boutons et Dieu sait qu'il y en a 1724, et j'utilise les 1723 puisque l'autre on sait plus ce que c'est. Hein. Mathieu était censé m'épauler en cas de problème, car c'est pas ma spécialité, vous le savez. Oh, il a lui-même à un moment donné sapé l'émission en appuyant sur un bouton, tout en disant autant pour moi, ça c'est de moi. Ouais. Voilà. Je m'en souviens très assumé, bien. Alors que tout était fluide. Il a assumé, oui. Enfin, la faute est là quand même. La faute est là. Mais... ça reste une faute professionnelle. Mathieu, pour ce problème, cette erreur. Petite. Horrible erreur. Horrible erreur. Tu risques de 1 à 5 coups de console dans la gueule. La console, quoi ? Alors, on va pas prendre la console du mixage, on va prendre la PS4 du bureau. Ah. Voilà, c'est une console. C'est une console. Tu peux partir avec après, il n'y a pas de souci. Non, non, ça sera cassé de façon. Appelle-moi, j'appelle quelqu'un, appelez-moi Elisabeth, parce qu'on m'a accusé ces derniers temps de faire maintenant les jugements moi-même. Trop vite, ouais. Ok, alors j'arrête, on reprend le concept du départ, on appelle des gens, c'est eux qui feront le tribunal. Je suis entièrement d'accord. Voilà, non, mais je me suis rendu compte, c'était un petit peu mon côté dictateur. Allô ? Bonjour, vous êtes qui ? Elisabeth. Elisabeth à Clermont-Ferrand. Bonjour Elisabeth, je m'appelle Coé, nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous, Elisabeth ? Vous m'appelez pourquoi ? Alors, pour vous dire bonjour, déjà. Oui, bonjour, mais Énergie, c'est pas une radio jeune. Oh, Elisabeth, quel âge avez-vous ? Oh, moi j'ai 70 ans. Ah oui, ah, effectivement. On est loin de Martin Garrix là. Bon, je vous fais une dérogation. D'accord. Vous savez qu'il y a Maître Gims qui vient nous voir tout à l'heure. Vous connaissez Maître Gims ? Non, pas du tout. Ah, oui. Ça paie comme jamais, jamais. Ça vous dit rien, ça? Bien, les gars. Ça vous dit rien, Maître Gims? Ah, Maître Gims, oui, bien, oui, je connais. Ah, je connais mes petits-enfants écoutent ça, oui. Qu'est-ce qu'ils chantent? Elle répondait à ton nom, Léa. Ah, c'est bon, je connais. Alors, je vous explique le problème, j'ai besoin de vous. Vous êtes en plein cœur du tribunal populaire. Je suis le président du tribunal, vous êtes la jurée. Vous êtes toute seule, il n'y a que vous. C'est vous qui allez décider du sort du coupable du jour qui s'appelle Mathieu. Mathieu est technicien. Mathieu a fait une erreur, il a appuyé sur un bouton où il y avait pourtant écrit « touche pas à ce bouton petit con » et il a touché. Et ça a créé un petit problème technique à l'antenne. Pour cela, c'est vous qui allez décider s'il risque de 1 à 5 coups de console dans la gueule. Ah oui, oui. Alors Mathieu, défends-toi auprès de madame. Attendez, il va se défendre. Alors Elisabeth, bonjour. Déjà, je voudrais vous dire un truc, bonjour. C'est que j'ai un gros pouce. Et donc ce gros pouce fait que des fois, il peut taper à côté. Non mais le gars, comment il se vante ? Et pour ça, je suis employé au statut de cotorep chez Énergie. Ouais. Pour vous expliquer ça, et c'est un vrai problème. Ça me pose des problèmes sur la console, sur mon iPhone. Des fois, je tape à côté. Donc c'est vraiment un handicap. Il se défend. Alors très bien. Elisabeth, je compte vraiment sur vous, voilà, pour respecter mon handicap et m'aider à avancer. Non mais arrête. Handicap du pouce là, c'est quoi ce mytho ? Elisabeth, je tiens à dire que tout ça c'était bidon. Hein. Voilà. Et en plus, il est menteur. Alors, Elisabeth, c'est vous qui choisissez entre 1 et 5 coups de console C'est vous qui choisissez. Il est menteur. Ah bah, tout dépend ce qu'il risque. Bah, ah, bah, je viens 5. De le dire. De 1 à 6. C'est violent. 5, elle a dit. Alors imaginez. C'est ça, c'est sa tête. Ça, c'est la console. Ouais. Voilà. 5 bah, fois de suite. Ça dépend. Vous voulez taper fort ou pas? Ah oui. Oui. Ah ben ça m'embête. Ah je sais. Mais ça m'embête aussi. Vous savez, ça nous fait pas plaisir de rendre la justice, hein. Mais il faut donner l'exemple. Oh, surtout, j'adore votre prénom, Elisabeth. Hein. Ah là, là comme il la drague. Comme Verdict. Alors, il faut peut-être donner l'exemple pour pas qu'il recommence. Je sais pas. C'est vrai. Voilà. Alors combien? Entre 1 et 5. Oh. Allez, on va pas aller au maximum peut-être, parce que au moins 4. Ah, c'est pas mal. Non, tu pensais que t'allais t'en sortir, elle était gentille, mais non. Hein. 4 quand même. Hein. Un mois dire, Elisabeth. Ah, bah écoutez, là, il faut faire attention. Ah, bah je vous remercie pas. Hein. Alors voilà. Alors on va s'asseoir. Alors comme tu veux, hein, derrière ou au-dessus, c'est toi qui vas. Elisabeth. On a laissé la console. Reste assis. Ouais, vaut mieux. Ouais. Elisabeth, Elisabeth, le supplice va commencer. C'est de votre faute, Elisabeth. Hein. Je pense qu'au-dessus, c'est bien. Bah écoutez, non, ne donnez pas alors. Si on va donner. Eh, 3. Parce que non, doucement, non, tu vas les tasser les vins. C'est le projet qui va déterminer les autres. Doucement. T'es prêt? Doucement quand même. Non, Piètre. 2, 3. Ah! Vous faites pour de vrai? Oui, Elisabeth, on fait pour de vrai. Elisabeth, vous nous auriez dit on le pend dans le couloir, on l'aurait pendu dans le couloir, Elisabeth. Allez, deuxième. Le dernier. Ah, c'est violent. Gros bisous, Elisabeth, je vous embrasse. Tiens, tu diras ça de la part de ton gros pouce. Ah bah tu fais une erreur, toi. Ah bah ça y est. Non, mets ça sur le gros pouce de. Ouais, c'est mon gros pouce aussi. Non, c'est le tien. C'est son pouce, c'est tellement gros qu'il va jusqu'à la console à 4 mètres. C'est ça. Bisous Elisabeth, je vous embrasse dans un instant, on va checker un bahut. Bienvenue sur Énergie. Non, c'est pas sa bite, Julie, c'est son pouce. Ouais, calme-toi. Elle entend aussi gros, elle croit, elle rit. C'est ça. Hardwell sur Énergie. C'était Coé. Coé. Oui. 19h, 22h sur Énergie. Avec Maître Gims qui sera notre invité tout à l'heure. C'est qui ce Muggy? C'est qui ce Muggy? Jamais! On en aura deux de Gims tout à l'heure. On fera tout donner ma beauté. J'ai tout lâché maintenant, tu m'abandonnes. On sera ça avec Maître Gims, ça va kiffer. Demain, il y aura Gims qui va être là. Alonso va venir nous voir dans quelques jours. Et alors ce morceau que je kiffe moi. Ken Jones, dans quelques jours il sera ici en live. Tu peux mettre plus fort s'il te plaît, Ken Jones, c'est pas assez fort le son. Il aime bien ce titre alors. Faut l'entendre. Quand c'est bien, faut le mettre fort. que j'aime pas, faut mettre pas fort. Changement de programme pour la Société Générale, puisque vous savez, je vous ai dit qu'on vous offrirait les box all inclusive. Ouais. Vous faites votre choix. Toujours, non, mais on vous les offre, sauf qu'on va gagner du temps. Ça devait être demain, on irait chez vous au hasard, machin et tout. En fait, on va vous apporter le cadeau demain, mais on tirera au hasard tout ce à l'heure soir. Pendant l'émission. Ouais. D'accord. Et j'appelle quelqu'un au hasard qui ne sait pas. Il y a des présélections et tout, oui. Mais qui ne sait pas s'il va gagner. Oui. Et celui qui décide, décroche chez lui. S'il décroche pas, on en a d'autres derrière. Et demain, bam, Mika ira et on filmera pour vous verrez. Comme ça, une box. Vous verrez en live ce que c'est que de vous amener des cadeaux chez vous à la maison. C'est ça. C'est énorme. Je kiffe cette émission. Je suis un mec heureux. Oui. Alors, qui mange à la cantine? Qui mange à la cantine quand c'était gamin? Non, à la cantine à l'école. Ah, moi aussi. Moi aussi, moi je vous fais la cantine. Moi. Ah bah moi je mangeais rien, je mangeais que le dessert. Ah tu m'étonnes. Voilà. Ça se voit. J'aimais rien. Ouais. Ça se voit. Ah, beaucoup, t'aurais mieux fait de manger les crudités. Allez, j'aurais mieux fait de me taire surtout. Vous êtes salaud. Franchement. Non mais c'est vrai, moi je mangeais à la cantine. Quand j'étais gamin, j'ai mangé tout le temps à la cantine. Moi je détestais tout, forcément, j'aimais rien. Et c'est là que j'ai découvert des trucs que tu ne me feras plus. Moi je trouve que la cantine, ça peut te perturber ton alimentation à vie. Parce que tu manges des trucs tellement mal faits. Est tellement dégueulasse. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais moi, ça l'était. Ouais. Que ça te dégoûte à vie. Les épinards, je pense que j'ai mangé les épinards les plus mauvais de ma vie, je peux plus en bouffer. Les quenelles. Les quenelles. Ah ouais, non, ça par quoi ça m'a vacciné. Les quenelles de cantine. Ah, il y en a une. C'est bon. Le céleri rémoulade. Ah, le céleri. Mais la céleri, tu sais que le céleri, je ne peux toujours pas. C'est pas passé. La brandade de morue. J'avais pas ça. De morue, là. Ah mais si les trucs surgelés. Non à la cantine t'as souvent le hachis parmentier, ça c'est pratique. Les choux de Bruxelles, les gars, les choux de Bruxelles. Eh ben alors les choux de Bruxelles, je détestais la cantine que maintenant je remange des choux de Bruxelles avec plaisir. Parce que j'ai jamais fait la démarche. En fait c'est exactement ce que tu dis, j'ai été traumatisé par les choux de Bruxelles et je ne ferai jamais la démarche de remanger. Tu refais des choux de Bruxelles. C'est bon en fait. Avec un peu d'ail, un peu de persil machin et tu mets un peu de beurre, c'est une tuerie quand tu les passes à la tuerie. Comme les épinards. Aujourd'hui, en grandissant, tu manges d'autres. Ah, je peux pas. Ah, si, les épinards à la crème hachée, bon, c'est bon. On arrête de faire chier tout le monde avec nos goûts. C'est pas le problème. C'est que à Toul, ils se sont rendus compte que les gamins ont retrouvé, ils l'ont filmé. Hein, oui. Des vers dans les carbos. C'est ça. Oh. Ah, dans les carbos. Moi, dans les carbos, tu crois que c'est un petit bout de lard et tu vois le machin qui bouge comme ça. À la limite, t'en trouves dans la salade, tu te dis que ça a été mal rincé, mais dans la carbo, ils n'ont rien à foutre. C'est horrible. Ah, bah la photo, il est là, le verre, hein, il est bien présent. Ah, hein, là. Ils ont dit des verres, on ne sait pas s'ils ont trouvé beaucoup, beaucoup de verres. Hein. Ouais, il y en a eu quoi. Mais il y en a eu. C'est principal. Mais c'est sympa, tu ne manges pas seul. T'as le verre qui est sur le bord de l'assiette, il bouffe la carbo avec toi. C'est ton ami de cantine. Appelons. C'est un peu croquant comme ça. Le verre, non, c'est du lasticot blanc, c'est un peu dégueu, c'est tout mou, c'est super gras. Appelez-moi le bahut. C'est ça, on appelle. C'est lequel des deux? C'est le lycée Camille. Il y en a deux. J'ai le collège Valcourt ou le lycée Camille Claudel. C'est la même cantine. Appelez-moi les trucs alors. Comme ça, nous allons voir si on peut leur mettre le label qualité Coé. On va leur dire que ça démarre mal. Bah là, c'est pareil avec un handicap là. Excusez-moi, mais ça démarre très très mal. Prendre des nouvelles quand même. Je rappelle que le label qualité Coé, exigez-le si vous devez changer de lycée ou de collège. Oui. Parce que c'est un gage de qualité. Là, on le fait un peu tout seul, du coup. Si vous ne l'avez pas, ce label de qualité, changez de lycée. Demandez à vos parents de vous changer de lycée. C'est important. Ah oui. Il n'y a pas le label qualité Coé? Je ne veux pas y aller. M'intéresse pas. Il est tard quand même, mais là, ça ne décroche pas du tout. Il y a bien quelqu'un. Bah, quelqu'un. Je ne sais pas. Pour l'instant, non. Et c'est l'autre, sinon? C'est exactement ce qu'on allait faire, Julie. Hey. L'autre, ça a raccroché. En fait, ils sont tous désertés. Ils sont barrés. Peut-être un verre qui va décrocher. Ouais. Oh. C'est l'autre, là? À peu près 300 élèves. 300. C'est-à-dire que pendant qu'on était en train de parler, ils sont venus saisir vos meubles, là. Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est bien là? Alors, il faut que je vous pose des questions. C'est là. Ah oui, c'est très, très beau. Très, très moche, ça. C'est imbiotable. Pas snap avec imbiotable. C'est imbiotable, ça fait ficelle dans le cul, ça fait touffe de vin. Très beau. Très ah, l'air d'un con. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous êtes la supérieure de la dame que j'ai eue avant? Je suis CPE. Oh, alors là, bravo. Alors là, vous êtes on a tapé très haut. Je m'appelle Coé, on est sur Énergie, vous allez bien? Bien, et vous-même? Magnifique. J'ai 5 questions. Vous savez que vous êtes à 2 doigts de décrocher le label qualité Coé pour votre lycée? On fait le tour des lycées. J'aimerais faire de ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts, mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux, c'est une évidence. Dis-lui que t'es la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Non,

taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Choper tout à l'heure, de vous remettre en TT avec. Encore en TT, hashtag Koé saison 7. Vous avez vu qu'il y a eu un sondage qui a été fait sur les sujets qui déclenchent le plus de disputes dans les couples. Ouais. Ah, il y a quoi alors? Vas-y, c'est intéressant. Est-ce que vous savez quand même ce qu'il y a? Ah, bah là, chez les femmes, d'après toi, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qui peut foutre le bordel dans un couple? Le ménage. De faire le ménage? Ouais. Ouais, c'est en troisième position. Les filles. Les tâches ménagères. La jalousie, quoi. Non, c'est pas dedans. Ah bon? Il n'y a pas la jalousie? Y a pas la jalousie? Non, non. Ouais. En deux, les parents. Les problèmes avec ouais. les parents, ah, les de ta mère, et machin et tout. Ouais, ouais. Et en un, l'éducation des enfants. Ah bon? Ouais. Et chez les hommes, en trois, l'argent. Ah oui. Ouais. En deux, les tâches ménagères. Et en un, les parents. Ouais, c'est la même chose en fait. Ouais, ouais à peu près, ouais. Il manque le ATP. C'est quoi ça? Le ATP, mon pote. C'est quoi ATP? Tous les gens qui sont en couple, tous les mecs qui nous écoutent connaissent le ATP. Et c'est quoi ATP? Avec tes putes. Ah. Et le avec tes putes, ouais. il marche dans tous les couples. Ouais. T'étais où? Encore avec tes putes. Ouais. T'es sur Snap. Encore avec tes putes. Tu regardes un clip de R&B. Encore avec tes putes. Le ATP, il marche tout le temps. T'étais une réunion de boulot. Ah ouais, t'étais plutôt avec tes putes. Toujours ce truc. Il n'y a que vous qui connaissez ça. Hein. Moi, j'ai jamais employé ce truc-là hein, avec les mecs. Hein. Ah bon? J'ai jamais dit t'étais où, t'étais avec tes putes. Parce que c'est toi le mec dans le couple. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Un peu, ouais. Ouais, ouais. Tu, ouais. Et c'est l'autre qui dit t'étais où encore avec tes connards hein? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que. Mais j'ai jamais utilisé cette expression. Bah oui, t'es un modèle à part, toi. Mais il y a quand même plein de nanas qui font toujours à leur mec. Ouais, non, on l'a pas inventé. Le mec, il est là, il regarde un petit clap de R&B avec les fesses qui bougent. Il fait ah là, ta fille, elle regarde. Parce que vous regardez trop les nanas, les gars. Non, on regarde trop Energy 12. Avec tes putes. Bon, on fait un bisou à Somerta. Bisous. Allez, ma Somerta, raconte-moi un peu ce mariage qui s'est mal passé. Alors, en fait, donc déjà, on va commencer des préparatifs. En fait, j'avais déjà prévu des serveurs pour le mariage. J'en avais prévu deux. On était 110 à table. Et du coup, deux semaines avant le mariage, il y en a un qui s'est désisté. Donc, ça a été un peu la course pour pouvoir en retrouver d'autres. On a quand même réussi à en retrouver trois autres en plus. Donc, on avait quatre serveurs finalement. Ah oui. Donc ensuite, moi je suis coiffeuse. Et du coup, le lundi avant le mariage, ma patronne m'appelle et c'est elle qui devait me coiffer. Et elle me dit donc je suis malade, je vais pas pouvoir te coiffer. Donc il a fallu trouver quelqu'un d'autre qui coiffeuse. Tu pourrais être coiffée toute seule, enfin. Oh, pas le jour de ton mariage. Oh, arrête, un dentiste, tu peux s'arracher une dent si vraiment il a envie. Ça va. Un coup de fixation béton. Ça va, bien sûr. Il a dépanné et qui m'a sauvé un peu. Et du coup, quoi ? Qui c'est qui t'a sauvé ? Une amie, parce que sur 4 demoiselles d'honneur, j'en avais 3 qui étaient coiffeuses. Ah, bah ça va. Elle s'en sort bien à chaque fois. Ouais. Bah oui, mais du coup, ma patronne avait fait plein d'essais, donc voilà, elle était habituée. Et ma copine n'avait jamais fait d'essais sur moi, donc bon, elle m'a quand même très très bien réussi. Bon bah très bien alors. Après, donc j'ai pris rendez-vous pour me faire épiler les sourcils. Je me fais épiler les sourcils et là, j'ai l'esthéticienne qui me crame les sourcils. Oh qui me crame la peau des sourcils. Une obispo, tu sais, avec le... va le rattraper. Ouais. Mais non, c'était pas un trou, mais c'était en dessous, sous la paupière. J'avais une croûte tellement j'étais cramée. Ah merde! J'ai dit sur les photos, je vais être magnifique. Je vais être avec ma croûte sur les photos. Donc ça va, la croûte s'est enlevée, mais quand ma maquilleuse m'a coiffée, je pelais en fait du sourcil. Oh, oh la peau! Donc ça va, ça s'est pas trop vu. Il y a eu pire! Et ouais, mais bon, ça allait encore. Donc après, donc, on arrive au préparatif de la salle. Et du coup, on avait commandé des tables rondes. Et en fait, il y en avait 5 tables qui étaient trop petites. Donc, on n'avait pas vu les tables et elles étaient trop petites. Donc, il a fallu les réchanger avant de mettre toute la table en place. Ouais, enfin, je veux dire, tous ces trucs, il y a des trucs comme ça, t'es pas la première à vivre ça. C'est des petits trucs d'organisation, ouais. La table trop petite. C'est pas très grave. Il y a eu autre chose ? Bah, après, c'est des petites choses. Par exemple, c'est mes enfants qui devaient m'emmener les alliances. Donc, nous emmener les alliances. Et du coup, en fait, ils étaient fatigués. La nounou les a ramenés. C'est même pas eux qui ont pu les emmener. Et le DJ, il est mort en pleine soirée. À la poisse, toi. C'est pas possible. T'as réussi à te marier ou quoi? Et le soir, donc les gâteaux arrivent, ils étaient un peu lourds. Et en fait, vu qu'ils étaient lourds, c'était en panne dessus, même la pièce montée. En fait, c'était la pièce montée était toute dégoulinante. Enfin, elle avait fondu quoi. Tout à ce qu'on voulait quoi. Ouais, elle avait un peu fondu quoi. Mais qu'est-ce que vous avez à faire des pièces montées? Ouais. C'est tradition. T'as fait les pièces montées avec les choux et le caramel là. Vous savez que c'est imbouffable ça. Tu te pètes les dents sur les choux. Elle allait pas faire un gâteau au yaourt. Pour un mariage. Bah oui, mais je suis désolé, mais. Moi, j'avais pas de pièces montées à mon mariage. Il faut arrêter les pièces montées avec des choux. Tout le monde se pète les dents sur ces choux de merde. Ouais, sans déconner, les mecs, ils te mettent du caramel pour qu'elles tiennent. Mais ils mettent tellement de caramel que c'est imbouffable. Ouais, c'est vrai. T'arrives pas à les couper. J'aime pas ça. Mais j'aime pas ça non plus. Un brownie papier brossard. Il y a quelqu'un qui va comprendre un jour que c'est pas bon, les pièces montées. C'est pas bon. C'est une espèce. Non, c'est pas bon. Tu l'as mangé, toi ? Bah oui. C'était moitié chantilly, moitié crème pâtissière. C'était bon, ça doit être pas mal. Si, c'était super bon. Moi, ce que j'adore, c'est les vidéos de mariage où t'as les mecs qui arrivent avec la pièce montée et qui voient les autres avec le gâteau. Il y en a tellement. Ah, c'est génial. Ça, c'est le meilleur. C'est génial. Ça, c'est le meilleur. Si t'as, l'idéal, si t'as un peu de sous, c'est de te faire construire une pièce montée pour le fun. Ah, tu l'as fait tomber. Et tu l'as fait tomber en arrivant devant tout le monde. Oh et puis t'en as une autre derrière. Et t'en as une autre pour sauver le truc. Ça, c'est pas con, ça. Ça, c'est drôle. Ouais. Tu vois, Julie, elle y pense, elle fait, prochain mariage à mon cul, j'y penserai. Non, mais sinon, c'était bien la nuit de noces, parce que c'est quand même le plus important, c'était comment? Non, mais le pire, c'est que du coup, le lendemain, mais ça, c'est une bonne chute, enfin, c'est la pire chute. Le lendemain, du coup, on était très fatigués, donc on a rangé toute la salle. Ah. Et moi, j'avais ma voiture, c'était la voiture balai, donc je suis rentrée avec ma voiture, et j'ai eu un accident de voiture. Ah la là là. Poisse de ouf, on dirait. Et la nuit de noces. La nuit de noces, mais t'es tellement fatiguée. Vous n'avez pas baisé. Non, mais personne. Je connais pas une personne. Moi, je crois que la nuit de noces, c'est dans les films que les gens baisent. Vous avez tout préparé, c'était tout beau, mais alors moi, j'avais trop mal dans ma robe. Mais moi, je crois que les femmes, elles ont mal aux pieds, qu'elles en peuvent plus. Elles ont qu'une envie, c'est de dormir, les mecs. Les mecs, ils bandent pas parce que tellement ils sont. Je crois que la nuit de noces, il y a personne qui moi, fait l'amour. C'était une catastrophe. C'est vrai? Parce que j'avais beaucoup bu aussi. Et du coup, mon mec, il a essayé de me retirer la robe, tu vois, pour me mettre toute nue, etc. Et en fait, je suis venue avec la robe. Donc, je suis tombée par terre. C'est assez drôle, Romain. Marrante tout le temps. Oui, c'est ça, Julie. Hop, un gag toutes les secondes. Voilà. Pietre, nuit de noces. Si j'avais eu. Mais elle dormait par contre. Ah oui, c'est ça. Quand même. Et c'était pas elle. C'est sa mère. C'était une autre. Bon, écoute, en tout cas, le principal, c'est que ça se soit bien passé. Bah, tous mes vœux alors pour le mariage. Merci. Et du coup, le gars, justement, avec qui j'ai eu l'accident, j'ai dit, je viens juste de me marier. Bah, il dit, moi, je viens de divorcer. Ouais, ça pue, c'est un signe. C'est vrai que là, t'as quand même eu une tripotée de signes qui montrent que ton mariage, il y a quand même des trucs qui se sont passés. Mais non, j'espère que justement, toute la suite sera bien mieux. Parce que. T'as raison, c'est beau de rêver. Un super mariage quand même. C'est beau de rêver. Mais il n'y a pas eu de bagarre. Super mariage. Non, ah bah non, ça va. Hein. Un bon mariage, normalement, sur les coups de 3h du mat, il y a des bagarres entre les tontons. Hein. Moi, j'ai, ah bon, moi c'est bien ça. Moi, je suis allé à un mariage. Le père de la mariée avait 8 grammes d'alcool. Ouais. À un moment donné, il s'est levé, il a dit hé, hey, ça va, c'est vite. Il est allé en cuisine. Là, t'as entendu Et l'autre, le chef cuistot, a dit hey, j'ai un connard, qui était dans le même état. J'ai un connard, mes gigotes, ma gueule. Et le mec, le chef cuistot, il s'est barré avec les gigots sous le bras, qui était à lui. Il a juste pas pu emporter 2 gigots pour 100 personnes, si tu veux. Donc autant te dire que le morceau que t'avais dans l'assiette, c'était un échantillon. Et le mec, et j'ai vu le mec, moi j'étais plié en 4. Je dis bon, c'est pas maintenant qu'on va bouffer. Ouais, et j'ai vu le mec partir avec ses gigots sous le bras. C'est rare quand même de voir un mec qui s'en va avec des gigots plein les bras. Voilà. Et le père ensuite, et la mariée a pleuré. Ça a été un drame. Elle a fait une crise de nerfs. Franchement, il était moche. Bon, allez. Ils sont toujours ensemble aujourd'hui ? Je ne sais pas. J'ai plus de nouvelles. D'accord. Te fais un gros bisou, Somerta. Je t'embrasse. Gros bisous. Merci à bientôt, beaucoup. Ma chérie. Et tous mes vœux. J'espère que tout se passera bien. Reste avec nous dans un instant. Il y aura question pour Ayeuve. J'adore ce moment. C'est le moment où on prend des personnes âgées au hasard en France, on leur pose des questions, mais des questions de jeunes, et le but du jeu, c'est qu'ils essaient de voir s'ils comprennent ou pas. Ouais. Maître Gim sera notre invité tout à l'heure. Restez là, hashtag Maître Gim chez Koé sur Énergie. Écoutez, voici Parole Rise. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Excusez-moi, monsieur, c'est la place de Koé. Ah bah non, mais c'est parce que c'est moi. Ah, mais c'est toi, Koé. Oui, oui. Pardon. Ah. Non, mais t'as tellement maigri et bronzé que je t'avais pris pour Vincent Cerutti. Koé, 19h, 22h. On lui fait un bisou à monsieur Cerutti. J'espère que tout va chez vous à la maison. Maître Gim sera notre invité d'ici quelques minutes. Et Boutin. Ah, j'aime bien. C'est tout. Et je suis content que t'aimes bien, Julie. C'est qui ? Maître Gim sera notre invité tout à l'heure, mais pour l'instant, direction question pour Ayeuve. Appelez-moi Yvette. Yvette, 76 ans, nous avons pris 2 personnes âgées. On leur a dit qu'elles allaient participer à un jeu, elles n'en savent pas plus. Elles peuvent être très sympas ou pas du tout si elles mettent une bonne réponse. Si elles mettent une mauvaise réponse. D'accord ? Elles gagnent rien, c'est ça qui est ouf. Mets-moi ça plus fort. Allô, Yvette ? Yvette. Bonjour Yvette, je m'appelle Coé, nous sommes sur Énergie, comment allez-vous ? Eh bien ça va très bien. Ça va, je vous dérange ou pas ? Pas du tout. La vie est belle ? La vie est belle, j'étais en train de préparer un peu pour mon mari va avoir son anniversaire, 82 ans, alors on prépare pour inviter. Oh, qu'est-ce que vous préparez ? Ah ben je sais pas encore, pour voir qu'il vient pour le repas et tout. C'est vous qui allez préparer à manger ? Oh, on ira au restaurant. Ah, vous avez raison, faut pas s'ennuyer. C'est plus vite préparé. Oh oui, puis c'est vite réglé. Là, bah, c'est bien, 82 ans, c'est beau. 82 hein ans, oui. Il est en forme ? Si, il est en forme. Ça fait 56 ans que nous sommes mariés. Oh, tu vois comme quoi ça existe, histoire. Coco. Eh, hey, la petite nuit d'amour qui va se passer ensuite, là. Oui, oui. Coquine, hein ? Faut profiter. Face à vous, Yvette, il va y avoir Alain, que vous ne connaissez pas, un petit jeune de 79 ans qui habite Villemomble. Oui. Alain va jouer contre vous à question pour peut-être tenter de gagner. D'accord, on attend qu'Alain arrive. Oui. Alain, bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment allez-vous, Alain ? Bien, merci, et vous ? Alain, magnifique. Je vous présente Yvette. Oui. Bonjour. Bonjour. Yvette, Nicolas Sarkozy, je vous présente c'est Alain. Bonjour. C'est vrai, Alain, que quand vous parlez, vous avez un petit côté Nicolas Sarkozy. Ah bon ? On vous l'a déjà dit ? En disant bonjour ? Non, jamais. Est-ce que vous avez dit bonjour ? Vous ne le voyez pas, je ne bouge pas les épaules. Hein. Ben, lui, c'est tout qui bouge, la tête, les épaules, tout. Voici le question pour Ayeuf. Le principe, Alain, Yvette, je vais vous poser des expressions de jeunes. Ah. Attendez mes trois propositions et dites-moi ce qui est d'après vous la bonne réponse, d'accord ? Oui. On y va, première question, honneur aux dames, ce sera Yvette. Comment dit-on avoir un fou rire en langage jeune ? Se taper des barres, se taper des blacks, se taper des queues ? Le 1. Faut dire la réponse. Faut dire la réponse, faut pas dire 1, 2 ou 3. Ah, faut... Se taper des barres, je crois que vous m'avez dit, moi je m'en rappelle pas. Et vous diriez quoi, Alain ? Ben, moi je dirais, j'ai compris se taper des blacks, non ? Il y avait se taper des barres, se taper des blacks ou se taper des queues. Alors voilà, écoutez, je maintiens la deuxième, se taper des blacks. Non. Non, vraiment pas. Non, c'est se taper des barres et c'est une bonne réponse pour Yvette. Yvette, bonne réponse, un point. Alain, on va commencer par vous. Comment dit-on gangster, c'est-à-dire loubar, en langage jeune, une tub, un tug ou un dep ? Un tug, au hasard. Vous diriez quoi, Yvette ? Répète. Une tub, un tug. Loubar. Un quoi ? Un loubar. Mais ça n'existe plus, ça. Ça, c'est fini. Ça ne se dit plus. C'est une tub, un tug ou un dep ? Une tub, le premier, là. On est bien aujourd'hui. Non, c'est un tug. C'est Alain qui avait raison. Un deb, bon, vous avez compris, c'est un mot pas sympa. Et une tub, comment vous dire, c'est un zizi. Voilà. Voilà, mais voici la dernière question. Dernière question, concentrez-vous, vous êtes à égalité. Que signifient les initiales DTC en langage jeune ? Que signifie DTC ? Drague ta cousine, dans ta cuisine ou dans ton cul ? Dans ton cul. C'est parti nickel comme ça. Alain, peut-être une proposition ? Ben écoutez, moi je dirais drague ta cousine. Drague ta cousine. Et non, c'était c'est Yvette. Yvette, est-ce que vous pouvez me le répéter parce que vous l'avez très bien dit ? Dans ton cul. Yvette, bonne réponse, c'est Yvette qui gagne. Alors là, je dis chapeau Yvette, c'est le plus beau. Dans ton cul. Ouais, c'est vrai. Vous avez remarqué que nous, quand on dit dans ton cul, c'est et vulgaire. Vous rire, voilà. Et vous avez vu que vous rajoutez une pointe d'accent, vous dites dans ton cul, c'est plus vulgaire. On est humilié, vous comprenez, c'est pour ça. Mais c'est vrai, ça passe beaucoup mieux. C'est pour ça que c'est moi qui fais le jingle du jingle. Allez, merci, vraiment merci. Yvette, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse fort, d'accord ? Oui. À bientôt et tout le public vous applaudit, Yvette. Bravo, Yvette. D'accord. Yvette, vous savez qui y aura tout à l'heure ? Non. Maître Gims. Ah. Merci Yvette. Dans ton cul. J'aime bien le allez, à tout de suite après Alonso qui sera notre invité. Lui c'est la semaine prochaine, c'est lundi. Ouais, lundi d'après encore, je crois. C'est lundi d'après, je crois. Enfin, Julie croit. Je sais plus. Bon, bref, c'est dans quelques jours. Mais c'est un lundi. C'est un mardi même, je viens de voir. C'est le 4. Bon, vous voulez venir un lundi, bah vous viendrez un mardi. C'est ça. Alonso sera notre invité. Voici Binta. Binta.

invité dans quelques jours aussi, pile dans une semaine, il sera là. J'adore ce morceau. Il y aura Alvaro Soler le 28, plus Kev Adams, plus Gad Elmaleh. C'est bon ça. Et tout à l'heure, c'est qui? Maître Gibbs. MHD va venir nous voir bientôt. Et puis alors les événements pour les filles de plus de 25-30 ans. Robbie Williams. Ah c'est pour Steph et moi, ça. Ça c'est pour la MILF, ça. Ah oui. Ah, c'est vrai. C'est le fantasme. Et pour les filles, les mecs, les gays, Lady Gaga sera notre invitée ici dans le studio. Bah si, icône gay, Lady Gaga. Ah oui, attends, Robbie Williams aussi. Hein. C'est vrai d'ailleurs. Ouais, ouais. Franchement. Peut-être changer, moi. Il est peut-être temps de faire un petit coming out. Il est temps que ça change. Choix, en tout cas. Il est temps que ça change. Là, j'attaque un nouveau truc. Il est peut-être temps. Pitbull va venir nous voir. Lui, c'est pour les latinos et les buveurs de vodka. Pitbull, ouais. Il sera notre invité ici dans le studio. Ça va être une vraie tuerie. Le retour de Kenji. Et avant le super jeu qu'aura lieu dans quelques minutes, je vous explique, grâce à Box All Inclusive de la Société Générale, vous qui m'écoutez, vous qui êtes dans le studio, vous pouvez gagner la box de vos rêves. Ouais. Vous choisissez ce que vous mettez dedans. Vous allez sur boxallinclusive.com. Il faut avoir fait un minimum d'anglais pour comprendre ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Pour les étudiants, les apprentis artisans, les jeunes, vous cochez ce que vous voulez. Si je vous tire au sort, je vous offre ce que vous avez coché dans la boîte. Il y a jusqu'à 16 000 euros de cadeaux à gagner. Bam! Et à partir de la semaine prochaine, on ira faire la surprise. Mika vous l'amènera en live, oui, chez vous. C'est vrai. Et là, pour la première fois cette semaine, on passe un petit coup de fil. C'est son prénom, ça? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Brieux. C'est pas un prénom, Brieux. C'est pas un prénom, ce Brieux. C'est un prénom. Le Saint Brieux, le fameux. On dirait un nom de fromage. Ouais, ouais. C'est pour un fromage, c'est oui, mais pour un homme, non. C'est... Bonjour, moi je m'appelle Coé. Ça va, Brieux? Non, Coé d'énergie. Bah, ouais. Oui, entre autre chose, bien sûr. Ça va, Brieux, t'es en forme? Comment? Ouais, carrément, ouais. Ah carrément, non, carrément. Alors en fait, c'est un nouveau concept. Il y a eu 10 000 inscrits, j'appelle les 9 099 000 personnes volontaires qu'ils ont perdu. Ouais. Ça okay, va prendre ça du va. Temps, bah, mais t'as non. Du boulot, alors. Brieux, t'as du boulot. Attends, j'ai la liste. J'ai la liste de ce que t'as demandé. C'est où sa liste? Elle est où, la liste de ouf? Attendez. Brieux. Ouais. Ah, tu te fais pas chier, toi. Le mec, il a coché cinéma illimité x2. Ouais. TV 4K et un an d'abonnement à Netflix. Ouais. C'est ça. Mon permis de conduire. Mais qu'il a, ah, ça va. Carrément. Il a coché imprimante scanner Wi-Fi, tablette Microsoft Surface Pro, ouais, et MacBook. Mec, il bouffe MacBook tous les râteliers. Il est Microsoft, il est MacBook. Et genre, il peut avoir tout ça? Non. S'il gagne, oui. Tout ça, en même temps. Tout ça en même temps, tout en même temps, c'est pas l'un ou l'autre. Ouais, c'est ce qu'il a mis dans sa box. T'as compris que c'est pas l'un ou l'autre, c'est que si tu gagnes, c'est tout. C'est tout, c'est quoi, la totalité. Ouais. Ça te fait kiffer, ça. Mais grave. Ouais, carrément. Eh ben, la télé 4K, le cinéma illimité, le permis de conduire, l'imprimante, enfin, le permis, les examens, après tu te débrouilles, il faut que tu le lis. Hein. Les imprimantes, ouais, l'imprimante, scanner Wi-Fi, la tablette Microsoft Surface Pro et le MacBook. Ouais. Mon pote, ouais, pour le box all inclusive de Société Générale, ouais, t'as été tiré au sort. Tout ça, on te l'emmène chez toi. On va t'emmener ça à la maison chez toi et je pense même qu'on va se débrouiller pour faire partir ça directement à Nantes avec Mika Express. Je pense, ouais. Qui va se balader avec la télé 4K sur son dos, il va te maudire dans le TGV. Et on va t'emmener ça chez toi à la maison et t'es le premier gagnant de l'opération, mon pote. Ah putain, merci beaucoup, Koyan. Merci beaucoup, énergie. C'est un truc de fou. Je t'embrasse. Merci beaucoup, hein. Brieux. Merci beaucoup, Koyan. À bientôt, Brieux. Merci beaucoup. On se retrouve pour une shoot dans la cour du château. Au revoir, Brieux. À bientôt. Restez là, il y aura le super jeu juste après. Nicky Jam, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Nicky Jam? Ouais. Après qu'elle vienne nous voir, c'est un jeune Nicky Jam. Non, oui, pas prévu. Pas. Bah, s'il vient France, oui. Ah, ça serait bien, Nicky Jam. Ah, c'est un garçon. Ouais, ouais, qu'ils viennent alors avec sa femme, avec Madame Jam, la famille Jam, venez quand vous voulez. C'est ça. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle, rumbeando y llena de blasé. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti, como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas. Voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. C'est où Beson? 95. Bah oui, évidemment, tu fais quoi dans la vie à Beson? Je suis employée de courrier. D'accord, très bien, très bien. C'est-à-dire que tu tries le courrier? Voilà, je trie le courrier pour des sociétés qui donnent ça pour une grande boîte et moi je fais le premier tri, quoi, en fait. T'as envie de prendre la tête à ta mère qui s'appelle Nadège, qui a 53 ans? Voilà, exactement. Tu me dis, elle est impulsive dès qu'on parle de son petit-fils qu'elle adore. Et mon mari. Alors là, faut pas y toucher. Et tu me dis, mon mari, elle ne le porte pas trop dans son cœur. Non, non, non, non, non. Les oncles, il y a 2 ans, ils ont eu une grosse embrouille, eux deux, et ils ne se sont pas parlé pendant... Bah, là, ça fait que quelques mois qu'ils sont réconciliés, mais... C'est quoi la grosse embrouille? Embrouille pourquoi? Des histoires d'alcool, tout ça. Ah, qui c'est qui picolait, ta mère ou lui? Ah, les deux. Ah, les deux. Et avec plus d'alcool, et personne ne voulait en chercher. Voilà. Okay. Bon, donc, d'accord. Des fois, après, pour des conneries, ça part en live, et puis bon, voilà. Hein. D'accord. Tu m'as dit, mon mari s'est fait arrêter pour alcool au volant, c'est ça? Et c'était de là qu'il y a une engueulade. Et tu nous as dit, ma mère, elle est grosse et elle complexe là-dessus. Voilà. Elle est grosse, grosse ou un petit chouïa grosse? Ah non, l'engueulade, elle n'est pas partie pour ça. Non, mais physiquement. Hier. Non, mais physiquement. Hein? Maman, elle est un peu ronde. Ouais. Ronde? Ouais, elle est forte, ouais. Un tonneau. D'accord, le prénom, c'est quoi le prénom du mari? C'est un plan, à mon avis. C'est quoi le nom du mari? Damien. Voici Damien. D'accord. Voici les 5 phrases que tu vas dire à ta mère. Damien s'est fait arrêter au volant alors qu'il était bourré. Ah oui, on va remettre le délire sur l'alcool, c'est très bien ça. C'est de ta faute vu qu'on s'est pris la tête juste avant, donc c'est toi qui vas payer. Ouais. C'est bien. Non mais il est venu de loin, il est venu de loin. Du coup, tu nous verras plus, ni moi ni le petit. Bon, pourquoi? Quel rapport? C'est méchant? Ah bah oui, c'est méchant, ça va gueuler. Bah oui. Ah d'accord. De toute façon, c'est mieux. Avec ta gueule, tu fais peur au petit. Ça c'est cadeau, c'est voilà. Gratuit. C'est pour nous. Ah bah alors là, je crois qu'elle va t'arracher les cheveux. Ah là. Et la dernière, t'as qu'à faire un régime. Peut-être que tu seras moins chiant. On le fait tout de suite? Oui, on y va. Ok, ça marche. Allez, ma belle, sois en forme. Une PS4 à gagner. Quelle voix il a, ton mec? Comment ? Ton mec, il a une grosse voix, il a une petite voix ? Je sais pas trop, non, pas une grosse, pas imposante non plus, mais pas une petite voix. Bon, bah je chuchoterai derrière. Voilà. Je chuchoterai à la de fin. À distance, de loin. Allez, on y va. Attends. Quoi ? Parce que tu vas faire sa voix ? Il faut pas. Bah, je voulais dire qu'il était au Schmitt en fait. T'as raison, il est au Schmitt. Ah. Ok, d'accord. Pas les cuisines, hein, les flics. On y va, d'accord. Il est au Schmitt. Vas-y, c'est bon. Allez, donc tu lui dis qu'il n'y aura pas lui. Je serai un relou, je verrai bien ce que je fais. Improviser, on est fou, quoi. C'est ça, c'est le talent, c'est le génie. On verra bien. Oui. Allô ? Oui. Ça va ? Ouais. T'as failli venir, hein ? Ouais, mais il est arrivé un peu de galère, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Damien, il s'est fait arrêter au volant alors qu'il était bourré. Bah, à part ça, ça va, quoi. Non, arrêtez, tu bluffes, là. Vous n'allez pas me faire le coup deux fois, hein ? Le coup de deux fois quoi ? Tu crois que j'avais blagué avec ça ou quoi ? Bah, ça vous est déjà arrivé de blaguer avec ça, et puis deux fois la même chose, bon. Arrêtez quand même. Damien, hier, après l'engueulade, du coup, il est pas rentré hier. Il est pas rentré, et je me suis dit, il va revenir ce matin, et tout. Et voilà, là, j'ai appris, il est au Schmitt. C'est à cause de toi. C'est ta faute, vu qu'on s'est pris la tête juste avant. C'est toi qui vas payer, c'est tout. Oui, c'est pas grave, j'ai les... Si ça peut vous faire plaisir, mais arrête ta blague, là. C'est pas une blague. Tu vois, il a arrêté de boire, qu'est-ce que tu me racontes ? Oui, mais hier, après l'engueulade, moi et Damien, on s'est engueulés. D'accord ? On s'est engueulés, il a pété un plomb, il est parti. Vous m'avez dit pas... C'est votre problème, hein ? C'est ta vie, c'est pas la mienne. T'as pas compris ou ce que je t'ai dit, il s'est fait arrêter, là. Mais non, tu rigoles, je te dis. Je rigole pas du tout. Jure-le sur ma tête. Je jure. Non, tu ne l'as pas juré devant Dieu sur ta tête, maman. Tu te fous de ma gueule, je dis la vérité. Allô, t'écoutes un peu quand je parle. T'es pas naturelle, je te dis. Je suis pas naturelle de quoi ? Je suis vénère. Mais si c'était le cas, il y a longtemps que tu m'aurais appelé, non ? Bon, écoute, tu me verras plus, ni moi, ni le petit. J'attends que tu me jures sur ma tête devant Dieu, c'est la réalité. J'ai rien à prouver. J'ai rien à prouver. Déjà, je crois pas. J'ai rien à prouver du tout. Non, mais moi, j'y crois. Donc. Je te jure. Je te jure sur Dieu, si tu veux, si ça peut te faire plaisir. Hein. Sur ma tête à moi. Mais ça n'enlèvera pas que Damien est au Schmitt. C'est tout. Tu plaisantes. Non, je plaisante pas, non. Pas possible, les enfants. On rigolait de rien du tout. Hein. Mais après moi et lui on s'est embrouillé parce qu'on était encore pas d'accord, hein, entre le cinéma que t'as fait hier, tout ça. Parce que moi c'est moi qui ai fait un cinéma alors que je suis pas dans votre histoire. Et c'est vous qui vous gonflez. Ah c'est nous qu'on te gonfle. Eh ben oui, parce que t'es en train de tout me mettre sur le dos. C'est toi qui m'a parlé de tout ça. De toute façon, c'est mieux comme ça que tu nous voyes plus ni moi et le petit, hein. Hein, d'accord. Comme ça, de toute façon, c'est mieux comme ça. Bref, ça m'énerve. Tu vois, j'en perds mes mots, ça m'énerve. Réfléchis à la décision que tu es en train de prendre. C'est complètement... Ouais, c'est tout réfléchi. Il faut arrêter de trouver un bouc émissaire à vos problèmes. De toute façon, avec ta gueule, tu fais peur aux petits. Donc, franchement... Avec quoi ? J'ai dit de toute façon, avec ta gueule, tu fais peur aux petits. On a la gueule qu'on a dans les gènes. Ouais, et c'est ça, je crois pas. On te verra à mon âge. Et de toute façon, c'est quoi, j'ai une idée pour toi. Va faire un régime, peut-être que tu seras moins chiante quand même. Un peu là. Tu feras moins chier ton monde. Ah, ça passe Raccroché. Ah, ça passe pas. T'as juré sur Dieu et tout. T'as juré, il va t'arriver du malheur. Moi, j'ai vu quand t'as dit j'ai juré sur Dieu, les gens, ils ont fait dans le public, ils ont fait t'as juré, hein. C'est moi, on rappelle maman. Ça gueule pas, hein. Non. Ça gueule pas, hein. C'est dans le mal. Je suis désolé, ça sent le cadeau qu'on va garder pour nous. Hein. Elle y croit pas, en fait. Elle devait gagner quoi ? Une PS4. Ouais, on va la vendre sur le bon coin. Hein. Comme ça que ça va finir. Maintenant, j'ai décidé les cadeaux, on les vend sur le bon coin. Ouais. C'est mieux. Et on redistribue le public. Pas mal. Ou alors, on distribue des bouts de la PS4. Ah, c'est ça. Allô ? Ouais. Ouais, passe-moi, maman. Mais là, c'est pas possible, en fait. Pourquoi ? Non, mais là, c'est pas comme du tout. J'ai pas envie de blaguer. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais maman ! Mais maman ! Écoute ! C'est une blague. Putain, j'ai le cœur malade, les enfants, vous êtes trop con. Oui, on s'en compte, ça. En même temps, mais je sais que c'est Damien, je te l'ai. C'est pas Damien. C'est pas Damien. Allô. C'est Coé. Allô. Oui, c'est votre docteur, le cœur va très très bien, hein. Je viens d'avoir les examens. Tout va très très bien. Oui, mais en même temps, on fait pas le super jeu quand on a le cœur qui va pas bien. Oui. Dalila, le cœur, il allait pas bien? Non. Non, il va très bien, son cœur. Ah bon, tu m'as fait peur. Allô, peur. Maman. Elle est toute retournée. Maman, c'est pour rigoler. Allô, tu m'entends? C'est maman. Allô, c'est une blague. C'est une blague. Tu connais mon état de santé, mon Dieu. Bah, elle a pas l'air visiblement de le connaître, votre état de santé. Ça va pas bien, le cœur? Non, ça va pas bien, le cœur, non. Ah, pour Dalila, il allait très bien. Ah oui, désolé, Nadège. Pour Dalila, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Dalila. C'est une blague. Dalila, le cœur, il va pas bien? C'est pas une blague. J'adore les nounours. Mais arrête de dire non, non. C'est un autre sujet que ma fille et mon petit-fils, quand même, et mon gendre. Tout va bien, tout va bien. C'est une blague. Madame, tout va bien, tout va bien. C'était une blague. Tout va bien. Plus je parle, dis ce qu'il y a bien. Ah ouais, excuse-moi, c'est live, hein, il peut rien. Danèche, grâce à vous, elle a gagné une PS4. Ah, super, Julie. Elle a perdu maman. J'essaie de remonter le moral. Comment ça, j'ai perdu? Madame, c'est pour. Eh, ouais, mais c'est votre fille aussi. Mais oui, je sais qui c'est. Mais c'est le truc de la radio. Mais oui, c'est le truc de la radio. Mais enfin, je suis un humain, je suis pas un truc. Hein. C'est Coé. C'est une blague. Ton genre d'amour, il est là. Allez, rigole, c'est bon, c'est une blague. C'est bon, non, mais attends. Laisse-lui t'en remettre. L'émotion, elle va rigoler, tu vois. Dalila, s'il te plaît, ma chérie. Pas tout de suite, mais elle va rigoler. Attends, on va attendre 3 heures. Oh oui, c'est pas le mari. Oh merde, c'est de pire en pire. Nadège. Nel, Dalila, remonte le micro. Ah non, pas mon prénom. Mais non, mais attendez. Personne va en prison. Personne va. Non, elle a dit pas mon prénom, non. Ouais, pas mon prénom. Alors, madame, personne, tout va bien. Appelez-la Nanou, elle préfère. Nanou, tout va bien. Rigolade, tada. Elle m'a fait peur, ma vie. Oui, alors c'est le but un peu, c'est le but. C'est le but. C'est le but. Oui, mais oh là là, mais je sais, mais elle a juré en plus, c'est pas bien, c'est péché. Alors, madame. C'était son idée, c'était pas la nôtre. Non, on voulait pas le faire. Qu'est-ce que je lui ai donné une fessée? Une fessée, deux. Deux, faites-vous plaisir, ça mérite. Nanou. On vous fait un gros bisou, on va offrir des cadeaux, on va se débrouiller, d'accord? On va se faire pardonner, mais surtout votre fille. Ça mériterait qu'on prenne le cadeau qu'il fallait à votre fille pour vous le donner à vous. Oui. Enfin bon, une PS4. Gâtez-la. Moi, je veux son bonheur à ma vie. Oh, c'est trop mignon. C'est pas une maman qui aime sa fille. Ah bah ça, c'est magnifique cette phrase. Bah oui, c'est vrai. Magnifique cette phrase, Julie. C'est plein de bonheur, on dirait l'amour, le bonheur est dans le prêt. Bah oui. Plein de bons sentiments. Tu devrais mettre You are beautiful sur cette phrase et voilà, on y est. Et hop, une émission de Miss France. Mais vous avez pas de cœur, donc. Je te fais un gros bisou, Nanou. Ça va mieux? Ça va mieux? Bonjour à l'équipe. Ça va mieux ou pas? Ça va aller mieux, mais il faut un peu de temps parce que. Tu en riras. Bah oui, maman. Pas tout de suite, mais dans 10 minutes, un quart d'heure. Tu en riras. Oui, j'en ris. Je ne vois pas trop, là. Non, j'ai tellement eu peur. Mais oui, mais faut pas. Allez, faut qu'on finisse cette séquence avec de la bonne humeur. Faut qu'on finisse par des bisous et des caca arc-en-ciel. Voilà. D'accord, on ne peut pas finir sur des pleurs. Plein de bisous. T'as vu quand il fait des bisous, en plus. Bisous à mon titi, bisous à ma fille. Et bisous à mon gendre. D'accord, l'alcoolique? Non, je déconne, on commence pas. Non, il a arrêté de boire. Ouais, depuis une heure, ça compte pas. Il a arrêté de boire. C'est nouveau, ça, t'as pas vu? Il est pas alcoolique, hein. T'entends le mec derrière qui fait « C'est nouveau, ça, j'ai arrêté de boire. » Ouais, désolé, bon Damien. Allez, je vous embrasse. Non, t'inquiète. Je vous fais des bisous. Oh, je vais vous tuer, hein. Ouais. Votre fille d'abord, nous après. Bisous, à bientôt. Bisous. Je vous embrasse, Nadège. Nanou.

Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement. Et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi? 99 euros par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la citadine Nissan Micra est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 30 septembre. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Non mais j'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires, l'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Plus de 40 artistes sur scène, des tableaux et des chorégraphies à couper le souffle, un décor grandiose. Rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien. Avec énergie, it's music only. Quel est l'impact du Brexit sur l'économie européenne? Trouvera-t-on un jour de la vie ailleurs que sur Terre? Comment une vidéo de chat peut-elle être vue 227 millions de fois? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous, dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. Vos stars énergie préférées sont toujours sur la scène du Energy Music Tour. La plus grande tournée musicale gratuite redémarre. Il sera à Marseille le 29 septembre. Sur scène. Tal. C'est les frérots de la Vega. Alonso. Stéphane Sam. Amir. Sao. Willy William. C'est Boosty. Carla Dream. Evangeline. Et Didier. Black Air. Le Energy Music Tour le 29 septembre. Pour la foire internationale de Marseille. Au Parc Chalot. Un événement Energy. Hit Music Only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Le soir, sur Énergie, écoutez mes jingles. Oui, bon, il y a Koé aussi, mais bon, il y a surtout mes jingles. Ah, tu te la racontes. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Martin Garrix sera notre invité dans quelques jours. Un mix de Martin Garrix dans le studio, croyez-moi que ça va être un truc de fou. Moi aussi, je l'ai mixé dans pas mal de villes de France, je vous dirai la liste des dates et tout. Il y a des one man qui reprennent au mois d'octobre un peu partout. Ça va être un truc de malade. Je voudrais que tu mixes. Ouais, mais quand vous voulez que je mixe cette semaine? Ah, ça a pas l'air d'un con là. Ah, mercredi si soir, avant le live YouTube, mercredi demain. Bam! Allez, demain, je suis chaud patate. Quoi? C'est compliqué mercredi, il y a Kungs. Quel est le problème? Ah, c'est ça. Bah, non, tu peux pas mixer chez toi, on va chez toi. Je te laisse bah oui, des platines. Ouais, non, j'ai des voisins auxquels je tiens. Ah, ouais, c'est ça. Vous allez les tuer, je pense. Vendredi, si tu veux, oui. Oui. On a Evangeline, mais tu peux mixer. On verra bien. En attendant, Shina. Bonjour, oui. Shina. Ça fait actrice pour nous. Shina, tape 36 au 15. Shina. Tu as envie de Shina, les plus belles filles de ta région. Shina, t'habites où? Choisis le roi. Tu vas peut-être aller faire un tour au parc Astérix, tout frais payé avec qui tu veux, hôtel, transport, hébergement. Pour le ça, tu vas devoir miser sur une personne de l'équipe, oui. Puisque ouais. C'est un défi. Julie, t'as on bien fait de rigoler puisque ce sera toi. Ah putain. Voilà. J'ai déjà fait hier moi. Ah c'est vrai, autant pour moi. Ouais. Alors ce sera toi. Okay, super. Contre qui l'a fait hier? Stéphanie. Eh ben, ce sera Stéphanie. Ah, bah oui. Toi, contre. Il faut varier un peu. Ah, bah, oui. Vous savez quoi? Sinon, ça fait victime. Bah, il faut oui. Savoir varier. Bah, oui, donc, sûr. Ce sera à nouveau. Ouais. Le hasard fait mal les choses. Ouais. Stouff contre Julie. Et ça sent bien parti pour la semaine. Le défi de ce soir, ce sera la papétolétophobie. Qu'est-ce que la papétolétophobie? C'est les gens qui veulent pas aller à Tahiti. Non. Les gens qui veulent pas péto. C'est le papéto. Ils osent pas péto, alors ils. Non. Vous savez ce que c'est? C'est la phobie du papier toilette. Non, mais moi je peux pas mettre du papier. Propre, hein, propre. Hein, oui, sale, ouais. Beaucoup, la hein, phobie du papier toilette, ouais. Sale. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire avec alors? Enfin, qu'est-ce qu'elles vont faire avec? Ah, mais toi je sais que ça t'insupporte et moi pareil. Hein. C'est très très dur. Le principe c'est de savoir lequel des deux vont mettre le plus de feuilles de papier dans leur bouche. C'est pas possible. Entre Julie. Et Stouff, ça dépend ici. Comment est le papier. Ça dépend. Ah, ouais, c'est le papier de verre, c'est pour le trou de balle un peu solide, c'est pour le trou de balle de robot de coque, non, tu vois. Si c'est du papier plutôt. Tu vas te coller sur les dents. C'est du papier, Julie. Donc, attention, Shina, tu penses que c'est Julie ou Stouff qui en met le plus? Stouff. D'accord. Lucas, 16 ans de mes yeux, tu es donc obligé de dire que c'est Julie. Ils sont mis contre nous, Steph, t'as vu? Ah, bah oui, t'as pas le choix. Alors, on y va. Attention, pendant ce temps-là, on vous refait des tas. Premier tas de 5, les filles. Je peux pas vous regarder parce que moi, le tissu. Ah, c'est pas obligé. Pourquoi t'es vraiment pas tissu dans la bouche, moi ça me rend dingue. Donc si ça ne me dérange pas, je vais très très peu regarder cette séquence. Non. Ah. Les 5 premières feuilles, on y va. Tout dans la bouche. Oh. T'as dit que c'était qui, Lucas? T'as dit que c'était qui? Stouff, on est à 15. Attends, tu vas trop vite, je sais pas compter moi. Vous êtes d'autres chacotes, je sais pas combien vous êtes. Stouff 15, Julie 10. Mais non, elle en a 20 là. Stouff 20, Julie 15. C'est dans la bouche et pas à l'extérieur, Julie. Ouais, voilà. Julie, elle ouvre. Ouais, non, mais non, rentre dans la bouche d'abord. 25 pour Stouff. Ça sent le vomi bientôt. Attends, Julie, faut que ça rentre. Faut pas que ça dépasse. Combien, Julie? Généralement, ça dépasse jamais avec Julie. Ouais, c'est bizarre. On est à 30 pour Stouff. J'aurais misé sur toi, tout moi. Le monde dort, tout le monde dort à l'intérieur. Hein, Julie, y a personne dehors. Voilà. Stouff, elle est au combien, combien? Avale pas, avale pas. Elle en est à 30. 30? Attends, vomis pas. 30, c'est bien. Julie? Julie, c'est combien? Julie, elle bloque à 20. Elle bloque à 20. Comment? Stouff? 35! Non, Stouff, 35, ça s'applaudit. Stouff, parle-nous un petit peu de cette expérience. Alors, non, je ne comprends pas. Parle-nous un petit peu de cette expérience. C'est dégoûtant. Mais comment elle a fait qu'elle est au fond d'un truc. On a l'impression qu'elle est dans le fond d'un puits, qu'on a fermé la porte. Comment t'as fait 35? Et qui c'est qui avait dit Stouff? C'est Shéna ou c'est. Oui, c'est moi. C'est Shéna. Ça veut dire quoi, Shéna? Merci à vous. Ça veut dire que tu pars au parc Astérix avec qui tu veux. Tu vas y aller. Tu vas au parc Astérix. Tu vas y aller pendant qu'on y sera. Tu auras le transport, l'hébergement. Tu vas avoir tout. Tu vas y aller avec ton copain, ta copine, ton père, ta mère, qui tu veux. Et tu assisteras à l'émission, parce que nous on sera là-bas le 19 octobre. Restez avec nous tous les jours. On vous en fait gagner. On vous offrira des tas de places. Vous allez kiffer son moment avec nous. Voici Boosty sur Energy. Gibbs tout à l'heure. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes à en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous aller dès qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée? Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas tout. Nous ne sommes que des calques, je capte pas. Les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée? Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas tout. Nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Tu ne veux pas survivre en apnée. Ce soir. Découvrir le nouveau, vous allez tout entendre. Comment ça va, camarade? Fouad. Ça va, t'es en forme? Super, ouais. Ça me fait plaisir de te voir. Rebienvenue chez nous. Merci. Bien ce petit blouson, j'aime bien ce petit blouson. Ça fait un moment. À chaque fois, donc... on se check un peu les. J'aime bien ce petit blouson. Pas mal, hein? J'aime bien. Eh oui. Eh oui. Et c'est de la marque à toi ou c'est de la marque achetée? Non, c'est pas de la marque à moi. C'est bien, t'as raison, faut faire vivre les autres. Mais oui. T'as raison. On pas s'habiller qu'avec ses vêtements à soi. Bon, il y a plein de publics qui sont venus pour toi, dont des mecs à droite qui cultivent une légère ressemblance. Ah oui. Légère ressemblance. Eh oui. Ah, les mecs, ils sont là, ils sont. Ultra fan. Ah, je crois qu'ils kiffent bien. Ça me fait plaisir que tu sois là, Maître Gims, c'est ça. On a passé en revue, il y en a partie. Il y en a des tonnes. Jamais. Qu'est-ce qu'il y en a? C'est ouf, hein? Et que des hits, en fait. Attends, c'est ouf. Franche pas la meilleure. Celui-là, j'aime bien. Parce que les autres, non. T'en as marre des autres, en vrai. Celui-là, j'aime bien. Non, celui-là, oui. Celui-là, j'aime bien. On a été en vente plein. Hein. Tiens, celui-là. Hey, qui hey, c'est Koei. J'adore celui-là, moi. Merci. Celui-là, j'aime pas celui-là. Je te remets celui que t'aimes bien. Alors. Franche Panavera. Zoom, zoom. Allez, Bugatti, Verona. Ouh, Berlin, pas. Il y en a plein. Ça fait plaisir, en tout cas. Ça pourrait durer des heures, cette histoire. Bon, ça me fait très plaisir que tu sois là, vraiment. On va s'en faire deux ce soir, hein. Oui. Ouais. On va se faire. Tout donner, le nouveau. Ouais. Et ma beauté. Et ma beauté. D'accord, ok, c'est bon. Yes. D'accord, c'est bon. Donc, tout donner, c'est celui que j'ai mis juste avant. Vous allez peut-être découvrir là ce soir. Ouais. Et on va se le faire en live en même temps. Tu veux tout donner. Tu as intérêt à tout donner. Je vais tout donner. Même le blouson. Et la montre. Il est beau ce blouson, hein. Là, il est vraiment beau. Bah, c'est mon styliste, Romuald. C'est un génie, c'est un type qui m'a cerné et il me ramène toujours des trucs de dingue, quoi. Voilà. Dans deux secondes, il va vouloir savoir la marque. On va l'essayer. On en reparle tout à l'heure. On se connaît assez. On se connaît. Je suis plus fan de celui-là que du orange que t'avais mis dans un clip modèle Casimir. Tu t'en souviens, dis donc. Si, je m'en souviens, j'ai bloqué dessus. Tu sais, bah, moi je prends des risques, je suis comme ça, je pousse les limites. Oui, mais toi, tu peux te permettre de prendre des risques. C'est pas ça. Lui. Est-ce que sorti du clip, tu l'as mis dans la rue? Non. Merci. Attends, t'as vu le concept, je suis dans l'espace. C'est pour ça que je te dis. Je suis seul, enfermé, il n'y a plus personne sur Terre, et est-ce que moi, il y a un bonsaï? Bien sûr. Donc, il fallait faire le truc. Et bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est cher. Les lunettes sont bien aussi. Moi j'aime bien les lunettes. Non, c'est pas cher. Les lunettes sont cool, hein. Ouais. La montre est bien aussi. On va détailler tout. Ouais, tu sais. Et d'après ce qu'on m'a dit, la voiture carrément est bien aussi. Oh. D'après ce qu'on m'a dit. Charline. Bonjour Corée. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Et après on se fait un titre en live. Allez, on se fera le premier. Salut ma Charline. Vas-y, je te présente Maître Gims. Bonjour Maître Gims. Bonjour. Est-ce que t'as un autre projet par rapport à la musique? Est-ce que j'ai vu que t'étais ta voix à un jeu? C'est quel jeu? Est-ce que vous avez remarqué avant qu'on réponde à cette question, les auditeurs sont montés à l'envers. C'est-à-dire celle de 12 ans fait vieille et celle de 18 ans a une voix de 12 ans. Elle a 18 ans. Elle a une petite voix, ouais. C'est vrai qu'il y avait 8 ans. Mais non, tu t'es trompé. Dans deux minutes, on aura un mec qui va salut, j'ai 9 ans. J'adore Maître Gims. C'est vrai. C'était quoi ce jeu? On en a parlé. Skylanders. C'est un jeu qui cartonne. Un jeu où tu peux placer un personnage sur une espèce de plateforme et ensuite tu as le personnage qui apparaît à l'écran. Ouais. C'est fou. Donc j'ai prêté ma voix à un des personnages principaux. C'était super de le faire. C'est super cool. Donc c'était une expérience que j'ai toujours voulu faire et j'ai pu la faire. C'était vraiment marrant. Et après, ce qui doit être marrant, c'est de doubler un dessin animé, parce que là, pour les personnages, ils prennent ta voix un par un, je pense. Oui, voilà. Tu fasses tous les mots et tout. Hein. Ça doit être chiant à faire, en fait. C'est assez compliqué. Ouais. C'est long. C'est long. Mais c'est marrant, vraiment. Est-ce que tu as d'autres projets autres que la musique, nous dit Charline? D'autres projets? Ouais, bien sûr. Genre la voix de la SNCF. Putain, ça va être chambé, n'empêche. Ouais. Le train. C'est génial. Ce serait marrant. Ouais, grave. Ce serait rigolo, l'annonce des trains pour dire que le bar est ouvert, un truc comme ça. Ce serait marrant. Ouais. Ce serait bien. Il y a d'autres trucs que tu veux faire? Bah, forcément, j'aimerais bien faire de la musique, carrément pour du cinéma. Faire du cinéma, pourquoi pas? On m'a proposé des rôles, mais bon, jusqu'à maintenant. T'as pas kiffé? Ouais, j'ai pas trop kiffé. C'est genre quoi? Sans trahir les trucs, sans te demander d'être quoi? Quel genre de personnage? Terroriste. C'est vrai? Mais non. Je te jure. Alors, vous incarnez un journaliste qui infiltre un réseau terroriste. Vous n'êtes pas du tout terroriste au début, mais au final, voilà. vous trouvez des liens et vous êtes pareil, bordel. Vous êtes pareil et vous êtes un terroriste. Et vous devenez terroriste et vous voulez plus. Voilà, vous êtes plus journaliste, vous devenez terroriste parce que vous avez des liens finalement avec. Avec plus tu croyais, tu dis cool. Ah, bah, expliquez comme ça. Alors, c'est formidable, on a pensé à vous. Vous avez de barbe et vous êtes musulman. C'est pas vrai. Il y a des rôles comme ça. Moi, je m'attendais à X-Men. Donc, je suis terroriste. Pas au début. Non, pas au début. Vous n'êtes pas terroriste au début, vous êtes un journaliste infiltré. Vous êtes contre ça. Vous êtes contre, pas bien. Mais après, oui, vous y allez. Après, vous y allez, cache pas. Après, voilà. Vous y allez, vous tuez tout le monde. Carte blanche. Après, c'est carte blanche. Après, voilà, je suis désolé. Alors, ça vous convient? Bah non. Et t'as pas dit oui? Ah bah non, j'ai pas dit oui. Mais t'étais journaliste. Je veux bien faire, mais que le début du et film. Un gros, attention, hein, c'était un gros réal, un gros réalisateur. Je donnerai pas son nom, il a fait du gros. Du lot. Non, c'est pas trop son créneau, mais. C'est un gros poisson. Pas Besson. Français. Il a dit qu'il donnerait pas son nom, quoi qu'il arrive. Donc, cherchez pas, c'est pas la peine. On va réfléchir. Bon, gros bisous, ma petite Charline, je t'embrasse. Bisous. Bisous, ma belle. On se fait le titre en live ou pas? Oui, bah oui. Ça plaît à tout le monde? Ah, bah oui. Ok. Attention, ce que vous allez entendre, c'est tout donné et vous allez l'entendre ici sur Énergie. C'est la première fois qu'il le fait en live. Oui. Et c'est chez nous. Voici Maître Gibbs. Réveille-toi, regarde-moi. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup ton regard pris pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard pris pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Ah, j'ai tout gardé en moi, je me suis donné tant de mal. J'pourrais tout flamber pour toi, pourtant je ne suis pas pyromane. Tous les deux on foncera dans le mur, on va transformer la Ferrari en lambeau. Je suis flatté, tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choqué, je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Pose-toi sur toi, je veille, je serai là quoi qu'il advienne. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Parce que j'ai beaucoup pris sur moi. Est-ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Et ton regard brille pour moi. Est-ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Et tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Oh. Je t'ai tout donné, je t'ai tout donné, je t'ai tout donné. C'est la première fois en live ici chez nous. Viens avec nous. Le nouveau titre de Maître Gibbs. Je l'adore ce truc. Ah remets-le, ouais. Remets-le. Appuie sur le bouton. Appuie. Lève le tranche. Allez, tout donné, tout donné. Dans un instant, on finira pas l'émission sans s'en refaire un petit qu'on aime bien. Qu'est-ce qu'on se fera? On se fera quoi? On se fera ça? Ouais. On se fera ça tout à l'heure, on se fera ça. Ouais, bravo camarade, bravo, bien joué. Bien joué, très bien. Ah ouais, c'est beau. Très bien chanté, très bien joué. Merci beaucoup. Mais au début, les journalistes au début. C'est comme ça. Tiens, je vais te présenter quelqu'un. On a fait un super jeu il y a pas longtemps. Et il y a une dame qui est passée que l'on a piégée, qui s'appelle comment? C'était quoi son prénom? Comment elle s'appelait Lou. Lou, c'est ça Lou. Ah, Lou, elle était magnifique. Elle était en plein énervement. Hein. Je la connais sous Bakary, moi. Elle était vraiment énervée. Hein. Oh putain, toi, tu fermes ta grande gueule aussi, là. Non, ouais. Elle était pas contente. Non, je me calme pas. J'en souviens. Si, si, à un moment donné, elle nous a même dit un mot très sympa, elle a dit. Découvrir Nathaniel, quoi. On avait compris. Tu n'y vois rien de ça. Ça veut dire quoi? Et là, elle nous a dit. Ton Bakary, je l'emmerde. Eh bien, elle nous avait dit un petit message. C'était un petit bout du papier de sur, là, le, sur le nez. Voilà, c'est parti, il est parti. Attention. Oui, dites à Maître Gims, Loulou d'Orléans, 310, adore Maître Gims, toutes ses musiques et tout, j'adore, je suis fan. J'aimerais avoir tout son album. Oula, c'est gentil ça. Et après nous avoir insulté, elle a renvoyé les directs là-dessus. Ouais, faut pas l'énerver. Faut lui envoyer tout de suite. Juste avant d'avoir dit. Ton Bakary, je l'emmerde. Je le fous en brochette. Lou est au téléphone. Lou. Ah Lou. Oui, allô. Oui, mais... Ça va, Lou? Allô. Lou, je te présente Maître Gims. Salut. Je suis en direct. Elle va nous faire un arrêt cardiaque là. Calme-toi, Lou. Ça va? Ouais, je me calme, je suis franchement. Ah, c'est gentil. Elle est contente. Oui, elle est contente aujourd'hui. Ah. Elle est contente là. Ah, il n'y a pas d'énervement là, ça va? Non, mais toi, tu m'as donné une crise cardiaque là la dernière fois là, Koé. Hein. Bah bon? Moi j'ai fait ça? Ah oui, ça c'était ta faute là, j'étais rentré à l'hôpital, là je viens de sortir à cause de Maître Gims. Hein. Ah bah vas-y, dis-lui un petit bisou, il est là, il t'écoute. Oh non, Maître Gims, je t'adore, je te kiffe, hein. Mais t'inquiète pas, j'ai mon mari que je kiffe plus, mais bon, toi aussi je t'aime. Merci beaucoup. Non, mais c'est un truc de ouf là, je t'adore plus. Ah, c'est gentil, Lou. De l'avoir comme femme, ça doit être bruyant. Ouais. Oui. Ah, c'est très très gentil, merci. Ah, j'ai pas pris, hein, Maître Gims, je t'invite à Tournoisy, hein, mais toi aussi, je vais te tremper dans ma piscine, là. Mais par contre, Koé, lui, son Bakary à mort. Ah, je te trempe dans sa piscine. C'est gentil. Je te trempe comme ça. Ah ouais, tu veux tremper Maître Gims dans ta piscine? Ah ouais, mais non, lui, il va nager avec moi, mais moi, comme moi-même, je ne sais pas bien nager, on dira que c'est le tsunami qui est passé, mais bon, toi, pour toi, ça va être trop grave, quoi. Elle est géniale, Lou. On te fait un gros bisou alors, d'accord? Ouais, mais moi aussi, je vous fais de gros bisous, et puis, tu n'oublies pas, mes places de concert de Maître Gims, hein, tu n'oublies pas. Pourquoi tu me demandes à moi, il est là? Ah oui, c'est vrai. Il est là. On t'envoie les places, je t'envoie les places. Ah oh non, Maître Gims, je te kiffe. C'est gentil. Non, mais merci. Attends, on va chanter, ça peut comme jamais ensemble. Hein. Je connais pas toutes les paroles, hein, mais on va faire avec. Hein. Ok. Vas-y, Lou, montre-nous. Bon, ça pète comme jamais. Jamais. Ça pète comme jamais. Jamais. Ça pète comme jamais. Jamais. Ça pète comme jamais. Jamais. Loulou et Boutin. Allez, bendo. Loulou et Boutin. Bendo, bendo. Maître et Gims. Hey. C'est Loulou au téléphone. Maître et Gims. Ok. Ça pète comme jamais. Loulou. C'est quoi? Ok. C'est quoi? Ah ouais, c'est Loulou au téléphone, c'est Tournoisy d'Orléans, Loulou à la finesse. Hein. Magnifique, remix. J'ai l'impression d'avoir passé en 5 minutes 15 jours avec toi, c'est intense. Hein. Ah, le concert il va être fatigant, tu vas le regretter. Non, mais franchement j'adore, vous m'avez donné, je sais pas... Ah, ça fait plaisir. Je sais même pas quoi vous dire là. Bon, c'est bien déjà. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Je sais pas, je kiffe l'émission. Ben bon, la dernière fois, vous m'avez donné une crise cardiaque. Mais comme j'ai dit, je me suis réveillé. Bon, voilà, alors, le 25 novembre, il est au Zénith de Nantes. Sinon, on a Amnéville, ça fait loin de chez toi. Oui. On a Lille, ça fait loin. On a Paris-Bercy, 30 novembre. Ouais, ça, c'est à côté. Bon, Dijon, ça fait loin. Clermont-Ferrand, ça fait loin. Marseille, ça fait loin. Lyon, on va dire Paris-Bercy. Paris-Bercy, c'est parti. Voilà, Paris, c'est à côté. Ok. Et ben voilà. Rendez-vous d'accord. À Bercy alors. Ça te va ça... Boucantier, c'est gâté. Mais

music only. Bye. Dans les rues de Paris, ici y en a pour tous les goûts, toutes les envies. Certains à qui tout sourit et d'autres qui dorment par terre ici. Entre le Maroc et les Antilles, sur un fond de rythmique un free. On se fond dans la masse sur les Champs-Élysées. Les lumières la nuit sont toujours éclairées. Ici c'est Paris, ici c'est Paris, c'est Paris. On monte à Montmartre avant, on se tape un grec. Y'a des gens sur les marchés, y'a ceux qui les peignent. Des pigeons bourrés par des miettes de bouteilles. Des buveurs de comptoir dans les boîtes à brancher. S'arrête à Boulogne dès que la lune s'est levée. Au-delà du périph', ça trafique normal. Faut bien survivre qui n'a pas la dalle. Ici c'est Paris, ici c'est Paris, c'est Paris. C'est ça, la réédition depuis le 26 août. Ouais. C'est ça que je voulais dire, il y a un nouveau truc avec 7 titres inédits supplémentaires, yes, à l'intérieur. C'est bien, non? Bravo, disque de diamant en France, disque d'or en Belgique, en Suisse. Il y a 750 000 exemplaires dans le monde. Il y a des autres pays qui t'ont surpris où ça se vend bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, l'Italie. Et ah ouais, putain, l'Italie, tu veux te faire l'Italie, ouais, c'est vrai. C'est fou, bah, j'y étais, j'ai fait San Remo. C'était un truc de malade, j'ai jamais vu ça. Il était 3 fois platine, je crois, le single, est-ce que tu m'aimes? 3 fois, 4 fois platine. 4 fois platine. Bah écoute. Attention parce que ça peut tomber. Hein. C'est un truc de fou quoi. J'ai fait le grand festival de San Remo, Radio DJ, disque d'or au Danemark. Platine au Danemark. Au Danemark. Platine, au Danemark. T'as vu. Tu vas pas le reprendre à chaque fois qu'il dit un truc, bah, ça va devenir c'est chiant. C'est que du meilleur. Il n'osera plus parler après. Donc, bon. Ouais. Non, c'est fou. Bah, c'est ces pays-là qui m'ont vraiment. Si à un moment donné, tu vas dire j'ai des disques de diamants, je vais dire. Calme-toi. Or en Belgique. Bon, en tout cas, juste pour dire, on en a parlé juste hors antenne. La dame que vous avez entendue juste avant, c'est pas une blague, hein. C'est pas un personnage, hein. C'est pas quelqu'un qui fait un accent. C'est ouais. C'est un personnage, mais vrai. Ouais. Voilà, on la rappellera du coup. Quand même. Et au concert, je vous jure que si au concert je viens de voir et qu'elle est pas loin de moi, je vous fais une vidéo. Ah, moi, je te mets au défi de faire une vidéo avec elle. Avec plaisir. Mettez-la à côté de moi. Non, mais je rigole pas. Ah oui, oui. C'est ouf. Toujours la soirée. Une personne entre elle et moi, parce que je voudrais pouvoir garder mon oreille, mais vraiment, je voudrais bien t'accasser à côté. Ah ouais, on va organiser ça. Je m'en occupe, je te la gère. Et je te l'emmène en backstage pour qu'elle ne se perde pas. De toute façon, tu l'entendras. Tu seras dans ta loge, elle sera à l'autre bout de Bercy, t'entendras. Ah, tu diras, ah, elle arrive. Tiens, on va faire un bisou à Théo. Ça va, Théo? Oui, ça va et toi? Patrice, je t'active. Ah, salut Théo, merci. On y va. Vas-y, mon Théo. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as prévu de faire une tournée en début 2017, fin 2018, une tournée avec toute la section d'assaut? C'est, C'est pas prévu parce qu'on n'a pas, du coup, on n'a pas de projet là, avec la section d'assaut. Il y a Black M qui sort un album là fin octobre. Moi, je prolonge ma tournée. Moi, par contre, je vais prolonger un petit peu. Donc, je suis toujours en tournée, toujours le Warren autour. Donc, ouais. D'accord. T'habites où, Théo? J'habite à Rueil-Malmaison et je voudrais savoir, est-ce que je pourrais avoir une place de concert pour le concert de Bercy ou Tu nous fais un show comme tu l'as fait tout à l'heure, nous. Il faut gueuler. Il y a un moment, il faut se déplacer vers. Fallait les acheter, les gars, si vous êtes fan. Oui, c'est vrai ça. Ou un album dédicacé. Ouais, t'es un gratteur, toi, en fait. Le mec, tu repartiras pas sans rien. Ton blouson, une montre. Allez. Une photo dédicacée, c'est fait. Le mec, il a décidé. On t'envoie un cadeau, quoi qu'il arrive, t'inquiète pas. Voilà. Bah oui, mais okay, quoi, t'es marrant, toi. Une photo dédicacée. Bah, mais marrant, il dit ça quand c'est moi qui vais me démerder cadeau. Avec ça après. Vas-y, t'as un cadeau. Maître Gims t'offrira un cadeau en antenne. Voilà. Salut Théo, à bientôt, mon pote. Salut. Ciao. Priscilla, 20 ans, Compiègne. Le mec, légèrement déçu quand même. Hein. Ouais, salut. Bonjour. Allez, Priscilla, je te présente Maître Gims. Vas-y, ma chérie. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que tu as contribué à la réalisation du film La Pièce? Non, j'ai pas contribué à la réalisation du film. Pourquoi? Qu'est-ce donc? C'est quoi? C'est un film. Oui, dis-moi. Est-ce que ce serait possible aussi d'avoir une photo dédicacée? Alors attends, ne va pas trop vite, on a le temps. Le film La Pièce, non, j'ai fait un son pour la compile, quoi, la BO du film, j'ai fait un son. Et j'ai pas contribué au film en lui-même, quoi. Ça fait longtemps qu'en tout cas. C'est quoi le film pour ceux qui savent pas? C'est un film du label Watibé, c'est Dawala qui a produit le film. Ouais. Et c'est un film qui parle d'un SDF qui jouait à un jeu, le jeu de la pièce. Tu lances des pièces le plus près du mur possible. Là, je sais pas si vous connaissez. Oui, si. Voilà. Ouais. Et il joue à ça petit à petit, commence à se faire de l'argent comme ça, et ça devient un dealer de stupéfiants. Et il monte son. Oui, mais au début. Et journaliste au début. Et journaliste. Et SDF au début. Ah ouais. Et après, il devient dealer. Et après, il devient là. Et à la fin, terroriste, on colle les deux. Voilà. Non, j'ai pas contribué au film en lui-même, mais j'ai participé. Quoi. D'accord. Voilà ma petite Priscilla. Maintenant, tu veux un truc dédicacé? Oui, on va le faire. Regarde, c'est sous ses yeux. Il va, et on va l'envoyer à la maison. D'accord. Et c'est possible d'en avoir une aussi de toute l'équipe? Bien sûr. Ouais, on va te la faire. Et puis, dès que les posters sont arrivés, on va t'envoyer ça à la maison. Maintenant, c'est dans les mains de l'équipe, de là-haut, de la promo, les posters et tout. Les mecs, ils ont chi pour retoucher Julie. Mais nous, c'est bon, c'est fait. Ah, nous, ça fait longtemps, c'est vrai. Nous, on est sans retouche. On est sans retouche. Mais Julie, ils groupent tous les ordis d'énergie à partir de 19h le soir. Ils ont mis la NASA dessus aussi. Vous savez quoi? C'est moi qui ai le moins besoin de retouche. C'est vrai, 8h de maquillage. C'est fantastique. C'est vrai ou pas? En même temps, t'es venu la veille pour le maquillage. Ah, je vous emmerde. Au revoir, Priscilla. Fais un gros bisou. On a le temps pour quoi? On se fera le titre. Ouais, on se fera le titre après. Ouais. Puisqu'il y a ce titre là que j'aime bien. Il est où le morceau? Hey, hey, c'est qui? Hey, c'est qui? C'est Meggy. C'est qui? C'est Coco. C'est qui? C'est Coco. En attendant, voici le c'est qui. Je vais te faire écouter des sons et je vais te dire c'est qui et toi tu devras me dire dedans, de qui il s'agit. Ah quoi? Il est dedans le c'est qui. On a collé le c'est qui. On a collé le c'est qui dedans. Il faut dire le nom derrière. Oui. Voilà. Attention. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. C'est qui? C'est Franck. Ribéry. Oh, absolument. Cette grande chanson, on s'en souviendra toujours. Oh, on va dire que c'était un problème de retour. C'était ça. Il est à fond. Oh, Champs-Élysées. Désolé, Franck. Attention, c'est on continue. Youhou. C'est qui? Ça fait j'aime pas mal bien, parler ce ça. Jeu. Ouais. Ah, c'est drôle pas mal, ça. Hein. On est pendant l'Eurovision, Jed. Youhou. C'est qui? Elle chantait la chanson d'Amir en fait. Elle présentait l'Eurovision. Elle donnait les scores de la France. Ancienne Miss France. Blonde. Ouais. You. Je vois qui c'est, mais je ne saurais pas c'est dire qui. Elodie Gossuin. Elodie Gossuin, ouais. En direct Elodie. De la Tour Eiffel. Elodie Gossuin. Bon, on continue. Attention. C'est Sopra. Vous aussi, vous êtes là pour faire la fête à la noix. La fête à la noix. La fête à la noix, ça me fera toujours rire. Excusez-moi. Il a dit ça. Il était chez nous. Il se trompe. Il était chez nous. On lui a jamais expliqué pour le coup. Parce que toi, tu te trompes. Non, mais parce que jamais. Pas trompé une seule fois. Parce que tu es un bon élève. Voilà. Tu ne te trompes pas. Mais Sopra, qui est un copain, a toujours un petit souci de texte. Et là, il a voulu dire, est-ce que vous êtes prêt à faire la fête avec moi? Ouais. Les mots se sont... Et c'est devenu, est-ce que vous êtes prêt à faire la fête à la noix? Et c'est magique! Vous aussi, vous êtes là pour faire la fête à la noix! Énorme! Voilà, puis on a fait la compile des petits bugs, on va pas le faire. Non. On va pas réécouter les petits bugs de Sopra dans l'émission, ça arrive. Non, mais ça se fait pas. Vous aussi, vous êtes là pour faire la fête à la noix! De vie de tempo, je passe et s'entend. Ça arrive, ça arrive. Vos regards ne sont plus les mêmes. Ton mon ami, tu dans le dos. Ah, ils sont durs. Hein. C'était pas aussi dur avant ici. Non, c'est bon, on a changé. On devrait l'agrandir. On en a d'autres du coup. On continue. Tiens, j'ai une petite faim. Ouf, il reste un Kinder Bueno. C'est qui Rémi. Tionga. Ouais, tiens, il reste un Kinder Bueno. On continue, énorme, attention, ça. Plus compliqué. Même si j'adore vos textes, j'aime enculer les mouches. C'est qui ? Chut. On souffle pas. Même si j'adore vos textes, j'aime enculer les mouches. C'est qui ? Alors nous, on laisse réfléchir. Il y a un autre extrait où... Ah, c'est Tatata ? Ouais. C'est Renaud ? Ouais. Ah, ok. Ah, il est où l'extrait où il parlait de moi, l'enlever ? Ah, on sent que c'était celui-là. Bon, ouais, c'était Renault, c'est ça, bouge pas. Ah, il est où ? J'ai perdu le truc. Excusez-moi, les gars, on c'est l'a où enlevé, on l'a enlevé. On l'a enlevé, ouais. Merci, bien joué. On continue. T'es mon bisou. Je fous de toi, je veux mon bisou. C'est qui ? C'est Joel. Bien joué. Je suis à courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Quoi ? Hein ? PD ? C'est qui ? Oh, j'avais oublié qu'il a fait ça à l'autre. Hein ? C'est un politicien, ça. Oui. Ouais, c'est ça. Oh, bah, il y en a qu'un, hein, je vais te faire courir. Il y en a qu'un. Hein, les... Ah, j'avais oublié l'insulte derrière. Ouais. Et il traitait de pédé. J'avais oublié. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Quoi ? Hein ? Pédé ! Merde, c'était Le Pen ? Ouais. Ah, j'avais oublié. On continue. Moi, je t'aime pas. J'aime pas ta coupe de cheveux, je te trouve très énervant, mais c'est de ouais, tout ton long. C'est qui ? C'est Didier. Ouais. C'est Didier. Allez, attention, là c'est plus compliqué, ça concerne l'équipe. C'est qui ? C'est court, c'est courant. C'est qui ? Non. C'est qui ? C'est un vrai son de bouche. C'est une fille. Hein. C'est un son de bouche. C'est qui ? C'est Stéphanie, c'est qui ? Mais est-ce que vous entendez ce bruit ? Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphanie ? Elle a vomi. Peux-tu nous expliquer ce détail pour les gens qui ne sont pas au courant ? Non, mais je me suis étouffée en buvant de l'eau. Waouh ! Et quand elle s'étouffe, voilà. Ça fait. Attention, buvez de l'eau avec modération. L'eau est dangereuse pour nous. C'est pas fait. Faire une campagne. Oui, mais au début, c'est une standardiste ! C'est une standardiste ! Ah, bah, elle boit pas d'eau, elle est standardiste ! Elle est standardiste ! On se fait un titre ou pas ? Allez, on se fait. Après quoi ? Après ? Après qui ? Je dis Snake, Snake et Justin Bieber. Bieber. Allez, bougez pas, mets-moi Snake et Justin Bieber. Et juste après, on aura Maître Gims en live. C'est le cadeau de la soirée. Moi aussi, j'aurai un cadeau tout à l'heure. Ah, c'est... Tu vas kiffer. J'aime les cadeaux. Mais je peux pas te dire ce que c'est. C'est un beau cadeau. C'est plus une surprise, ouais. Mais c'est un beau cadeau. Oh, t'as pas à te méfier, je en confiance. Et là, c'est un vrai beau cadeau. Monte le son, Snake et Bieber sur Energy. Tout à l'heure, on aura Angélique qui vous pose sa question. Jessica et encore plein de surprises. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Koué, 19h, 22h, sur Énergie. J'adore ça. Et je me disais, méfie-toi cette ville-là. Maître Gibbs est notre invité ce soir. Monte le son, on n'entend pas, on n'entend pas, j'aime bien, c'est fort. Ah, c'est bien. Peut-être que je suis sourd aussi, j'aime bien. Ouais, à force. J'étais censé t'aimer. Mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si tu t'aimes, je t'aime, ça. Maître Gibbs est là. Ouais, celui-là c'est pour te faire plaisir. Zoom, zoom, zoom. Maître Gims est notre invité dans un instant, on se fera celle-là, vous l'avez entendu tout l'été. Et là on se le fera ici en live. Tout le monde a tout en cœur, par cœur. Hein. Ouais. Je l'avais en tête tout l'été. Dans les rues, je vagabonde. Je vagonode. Non mais on disait tout à l'heure avec le public, on dit c'est fantastique. Toi tu peux remettre des mots dans des paroles sans que ça choque personne. Et nous si on le dit, on passe dans des gros regards. Mais le verbe vagabonder, plus personne. Et là c'est tu dis je vagabonde et les gens. Le français est tellement riche, tellement belle, il faut. Et les gens le chantent. Sortir les mots. Il faut que tu casses. Baguenaude. Dans une autre musique. Baguenaude, baguenaude. Mais je suis sûr que c'est pas placé, hein. Tu es là, tu baguenaudes. Ouais, baguenaude. Ouais, c'est pas mal. Tu me feras une liste de mots comme ça. Baguenaude. Ouais. Ah ouais, d'accord. Okay. Et chou-fleur. Si t'arrives à caser chou-fleur, très dur à caser chou-fleur. Ah, il y a un morceau, c'est brocoli. Ouais. Carton au States, ça s'appelle brocoli le truc. C'est un truc français. Non, non, c'est ricain, je crois. J'ai repris une comptine, moi, de savez-vous planter les choux là. Mais non. Ouais, je l'ai repris, ouais. Oh, c'est génial. J'ai pas encore sorti le son, mais je l'ai repris. Ah oui, parce que je me dis, je l'ai raté celui-là. Ouais, il sera dans une réédition. J'ai pas sorti. Mais savez-vous planter les choux. Sérieux. J'ai repris et ça donne pas mal. Mais j'ai changé quelques 2-3 trucs. Hein. C'est plus des choux, quoi. Ah, j'allais dire, les enfants, ils vont kiffer. Eh bien, justement. Ah ben, c'était des choux. C'est marrant que tu dises ça. Parce que nous, on a essayé d'imaginer. Alors, c'est marrant, donc, la reprise, ça va donner quoi? Mais hein, on garde l'air? On garde l'air, ouais. Ah bah oui, c'est ça, l'air est puissant. Puissant, ouais. C'est... Parce que nous, on s'était dit, et si t'avais sorti d'autres reprises d'autres chanteurs? J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait, ouais. Honnêtement, j'ai jamais fait. Mais j'ai toujours été tenté par nos reprises en particulier. Nous, on s'est dit, par exemple, reprendre des chansons douces, genre Adèle. Adèle, t'aurais pu reprendre. Ouais. Alors. I was wondering if after this year you'd like to meet. C'est toi ça. On est loin de Maître Gims quand même. Ah, y a quelque chose. Hein. Hey, du Selena Gomez, on il a pourrait. Quelque chose, hein. Selena Gomez, regarde comme c'est doux. Can't keep my head to myself. Mais je me dis, lancé comme ça, tu pourrais même reprendre des pubs, mon pote. Ah ouais, j'avoue. Panzani pesto. Pesto, pesto, panzani, panzani pesto. Je mets par-ci, je mets par-là. Panzani, panzani pesto. Comment tu mets ça, Guéguette? Bravo, mon pote. Bravo. C'est toi là-dessus. C'est toi cette fois-là. Je pensais que ça allait être pire, mais ça va. Non, c'est pas. Finalement, ça rend bien. On a mis des machines sur le coup, ouais, et ça rend bien. Ouais. Angélique, pour Maître Gims, vas-y, ma chérie, 16 ans. Bonjour. Au revoir. Alors, non, je sais, à toi. Ma question, c'est avec quelle personnalité rêverais-tu de faire un duo? Ça a été Michael Jackson pendant très longtemps, malheureusement. Bah, c'est dur, très dur. Dur. Très ouais. Et il y en a pas mal, hein, franchement. Il y a tellement d'artistes. Genre aux États-Unis, celui que tu te dis encore, ah, celui-là, j'aimerais bien. Eminem, j'aimerais beaucoup. Ah oui, ah, bon. Ouais. Eminem, ouais, c'est vraiment. Il est pas mal. Il est particulier, le personnage. Il est particulier, ouais. J'aime bien Eminem, moi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, on a. Je sais pas, je parle de rêve vraiment. Ouais, quelque chose. Vas-y. Bon, c'est Eminem, moi, vraiment, c'est lui qui me ferait vraiment. Si j'avais un choix à faire, ce serait Eminem. C'est purement artistique. Mais vous avez essayé de contacter. Non, j'ai jamais fait le pas ou quoi. J'ai jamais vraiment essayé. Et en plus, je sais que c'est quelqu'un d'assez. Il est particulier, quoi. Il peut. Un peu. C'est plus une question à ce niveau-là, c'est plus une question d'argent ou quoi. C'est voilà, j'aime bien, je le fais, je me fais un kiff. Ouais, pourquoi pas tenter de faire une demande. Bon, voilà. T'aurais aimé qui, toi, Angélique? Rihanna. Non, Eminem, j'aime bien. Ah, Rihanna, c'est pas mal. Ah, Rihanna, c'est frais aussi. Rihanna, c'est vrai. Ouais, c'est gens, ouais. Bieber, Jean Côté. Ah, mais Rihanna, ça va être mal, Rihanna. Rihanna, ça doit être possible, parce qu'elle tente des fois des trucs comme ça qui sortent. Oui, ça peut être possible. Rihanna, Rihanna, belle perf. Rihanna, Rihanna. Les gars, vous réagissez comme si j'avais dit Nicordi, là. Rihanna, Et c'est même, c'est la plus plausible, en plus, j'ai envie de dire. Parce que, ah, mais sérieux, je dis Rihanna, il me reste. Enfin. Plus de respect. Oui, merde. Ils sont blasés. Il est dans le métro, là. Ils sont blasés, les mecs, là. Ils sont l'âge de Rihanna. Mais surprends-moi, balance pas du Willy Denzey ou un truc comme ça. Ouais, ça, tiens. Ça, tu surprendrais tout le monde. Bah oui, voilà. Là, ça fait le buzz. Non, on surprend. Gros bisous, Angélique. Gros bisous. T'embrasses, ma belle. T'habites où ? Amiens. D'accord. Et bah, gros bisous, Amiens. À bientôt. Est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée ? Mais j'allais te le proposer. J'avais peur que tu dises non. Tu vois, le truc, on peut te faire une photo dédicacée. Oh non, merci. Oh là là. À bientôt, Angélique. Je t'embrasse. À bientôt. Bisous. Jessica, t'as jamais eu ça ? Gibbs, t'as jamais eu ? Un jour, tu proposes de faire un autographe à un mec qui fait oh non, ça non. une photo ? Pour l'instant, c'est pas arrivé. Quand ça arrivera, je te le dis et tu me bloques une. Mais moi, mec, j'ai eu cette honte. Moi. Tu me bloques à un endroit où je peux taffer. Moi, j'ai eu cette honte. Hein. Deux jeunes qui me regardaient la dernière fois, mais vraiment un fixement et tout. Tu sais, des fois, les gens, ils osent pas sortir les appareils. J'ai dit allez, les mecs, allez. Venez, je dis bonjour, et même ils disent bonjour. Je fais, allez, viens, donne ton appareil. Non. Non. Je fais, mais si. Mais si, c'est pour faire un selfie. Ouais. Bah non. Ouais, j'étais en train de te derrière mon pote, regarde, c'est le gros con de la radio. Là. Et là, je te jure, j'ai dit. Je cherchais une trappe. Pour moi, je vais faire une photo. Ce qui m'est arrivé, moi, c'est plus. Genre, on me tend l'appareil, genre, je pense que c'est pour une photo, mais en fait, c'est pour que je prenne la photo, quoi. Ah, oui, c'est dur, ça. Ça, c'est dur, ça. C'est spécial. C'est ma vie, hein. Jessica. Du coup, je prends des photos. Ma petite Jessica, après, dans deux minutes on se fait le live de Maître Gims, mais pour l'instant c'est à toi, t'es la dernière. Vas-y, question. Bonjour Maître Gims, j'aimerais savoir ce que t'aimes le plus dans tes tournées. Ce que j'aime le plus, honnêtement, c'est de voir les gens, la fosse, les gens s'ambiancer, chanter, les sons, c'est vraiment ça. C'est ce qu'il y a de plus. Ce qui est le plus fort hein, dans une tournée, hein, c'est de voir le public. C'est de voir le public. Qui chante à ta place, ça c'est un vrai kiff. Quand t'arrives et que t'as pas besoin de faire ton morceau, enfin là toi c'est plus dur parce que ça envoie de la part, ça envoie du texte. Mais quand t'arrives et que t'as même pas à chanter, tu tends le micro. On reviendra sur cette expression, ça envoie de la pâte. Ça envoie de la pâte. T'as dit ça envoie de la pâte. Ah, ouais, peut-être. Du pâté, non ? Oui. J'aimerais savoir, est-ce que t'accepterais d'appeler ma mère pour lui fêter son anniversaire parce qu'elle est fan de toi et j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir l'emmener à un de tes concerts. Ta maman, elle est là. Une bonne grève. Non, elle fait l'appeler parce que moi je suis sur Paris pour un concert et du coup elle est allée à la maison. Et après t'as des répondeurs à faire. Oui, il faudrait que tu fasses le répondeur d'absence de mon voisin. Ouais, je t'expliquerai. Ah, dommage qu'elle soit pas là. Toi. Jessica. Oui. Ne bouge pas. Peut-être que dans un instant on appelle maman pour se dire au revoir après le live. Oh Julie, quoi. Oui, bien sûr. Mais t'es dur, toi. C'est son rayon de soleil, mais la demoiselle. Mais oui, non, mais on a. Mets-toi en place, Gibbs. On va se faire le après. Site. Mais quoi, je prends. Oh, tout de suite. Julie, elle est là, elle fait. Oh, je sais pas, c'était pas prévu. Ah, non, pas du tout. Mais bouge on a pas, Jessica. Temps, là, avant le live. Vas-y, je t'en prie. Allez, on y va. Jessica, ne bouge pas, d'accord. Merci. De chez toi, dans un son totalement mono par ton téléphone, tu vas entendre le live. Tu vas voir comme par téléphone, c'est pas dément. Ça va, tout va bien, le public, vous êtes en forme. Ouais. Ça va les filles? Allez, Chiakiz, ça va bien? D'accord? Les gars, ça va aussi au premier rang? Eh, vous dansez là, les filles, hein? Ouais, je vous ai pas senti danser là tout à l'heure, là, c'était un peu en mode. Elles ont dansé un peu, mais. Ouais, elles ont dansé, mais elles ont dansé du cou, elles ont fait comme ça. Elles ont dansouillé, quoi. Là, ça bouge. Ça. Là, faut le reste du corps. Maître Gims sur NRJ, on y va, c'est parti! Ouais. Beau discours, j'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas. Hey, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me baisses? Pourquoi tu me baisses? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. Tout le monde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance. Rien ne me fait plus que ton absence. À présent, tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose.